cet été. On ne vous offre pas deux, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver hier. Il n'y a pas eu d'émission évidemment en cause de match. Et franchement j'ai eu très très peur qu'on perde. On était à 0 contre 2, mais c'était complètement dingue. Et alors là, j'étais en train d'aller me chercher un hamburger sur la place où j'étais en train de regarder le match de foot. Et voilà qu'il marque 2 buts, c'est con. Ben bravo. Et voilà, il y a eu 3. Et ensuite, bon ben on a gagné, c'est magnifique. Est-ce que t'as été voir le match? En même temps, je profite pour dire bonjour à Flora Chab. Bonjour. Bonjour Thomas, ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est ta toute première ici, hein? Oui. Et elle a attendu la fin de la saison pour venir. Donc... Sinon, ça va, t'as été voir le match hier? Oui. On s'est croisés. On n'a pas été ensemble, on s'est croisés. Voilà, vite fait. On s'est fait la bise et voilà. Et au niveau du match, t'as quand même vu tout ce que je n'ai pas vu quand j'ai été me chercher à manger? Bah écoute, à vrai dire, j'ai pas vraiment vu les matchs. Les buts non plus parce que je mangeais mes frites. Par déception des 2 buts des Japonais avant. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Ben, je suis très content en tout cas que tu aies pu assister au match. D'ailleurs, moi je vous le dis, je ne suis pas fan de foot, mais rien qu'aller sur une place avec l'ambiance qu'il y a avec ses potes, je trouve quand même ça assez sympa. Ah ben, c'est quelque chose qui est toujours agréable et ça nous permet de sortir du quotidien. Merci beaucoup. il est à fond, hein. Je dis n'importe quoi, ils sont d'accord avec moi. Ça va Ronaldo? T'as été voir le match? Tu peux te calmer? Voilà, t'as raison. Allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans l'émission qui est là du lundi au jeudi. Enfin, du mardi au jeudi quand il y a un match. Mais on est là en très grande forme. On a beaucoup de séquences à voir. Il y a plein d'actualités. J'ai fait le tour, là, je vous le dis. On va parler de beaucoup de choses et notamment des problèmes de santé de Flora. Mais vous le découvrirez par vous-même durant cette émission. De la musique et surtout, et oui, le retour de la cassette de Jadoul. Jeudi passé, je vous ai fait... Non, vendredi, mercredi. On est quel jour? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Merci. Eh ben, on a diffusé la semaine passée la cassette de Jadoul que je vais tenter de vous faire réécouter après le jingle. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Et la cassette de Jadoul de la semaine passée, c'était celle-ci. Non, ça c'est celle d'aujourd'hui, vous êtes gentil, merci. C'est celle de la semaine passée, c'est celle-ci. Voilà, je la mets, hop, c'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, justement, c'est la question que je vous pose. Flora, une idée? Non, pas du tout. Pas du tout? Tu reconnais même pas l'air? Non. Donc, je rappelle le principe, on déforme complètement un son et on vous le fait deviner au standard plus 32 49 9 15 75. Vous nous envoyez un message avec la réponse par SMS. On va tirer parmi toutes les bonnes réponses, voir s'il y a un gagnant. C'est parti, je lance les machines. Flora est fan de cette musique, je vous le dis. Elle danse, elle se met toute nue. Non! Non! Arrête-toi! Aucun gagnant, personne n'a trouvé la bonne réponse. Eh ben bravo, félicitations, je vous remercie. Merci. Et on va tout de suite écouter le titre en entier. C'était évidemment Niagara. Tu connais le groupe Niagara? Pas du tout. Merci, bienvenue en 2018. c'est la chanson Cheeky Boom. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, bah c'est ça, on s'écoute tout de suite. Vous êtes dans Jadoul, vous faites une très belle soirée. Il est 20h04, on est parti pour une très très belle soirée ensemble. Mais elle dit qu'elle veut faire ce qu'elle veut, mais on sait pas ce qu'elle veut. Tu sais pas ce que tu veux. Calme-toi, tu peux pas chanter des chansons comme ça sans nous dire ce que tu veux. On dirait Flora, tu te fais de la chanson toi? J'ai rien compris à ce que t'as dit. Mais... Tu fais de la chanson? Oui, en 3 fois même. Ah, c'est vrai? Ouais. Et voici, en exclusivité pour vous, un morceau de Flora Chab. Je t'en prie, vas-y, le micro est à toi. Non. Très belle chanson de Flora à l'instant. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, son album est disponible dans toutes les déchetteries de France. Bon, allez, vous êtes dans Jadoul. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. J'attends vos messages d'ailleurs au standard, on lit tout ici en direct à l'antenne. Donc faites-vous plaisir. Nous, on est là, on lit tout. Et Flora est en train de massacrer une bouteille. Je pense que c'est le stress, à mon avis. Elle est en train de renfoncer, comme ça n'a jamais été fait, cette pauvre bouteille en plastique qui n'a rien demandé à personne. Tu peux la poser, elle est gentille. Voilà. Ça va, hein, ça va bien se passer. Et donc, les gens ont envie de savoir qui est la Flora Chap qu'ils ont actuellement dans leur poste de radio. Ben, c'est une princesse. Ça va la cheville ? C'est juste la question que je me pose, hein, parce que. D'accord. Ça va, c'est de l'humour. Les hommes aiment votre poitrine. Ah, ben voilà, le message est passé. Ok, ça va. Non, donc sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Explique un petit peu. Je travaille beaucoup. Dans un restaurant, bien sûr. C'est vrai ? Ouais, je suis hôtelière. Ah, d'accord. Oui, j'ai tendance à traîner avec des hôteliers, moi. Oui, je vois ça. Et donc, à part ça, dans la vie, quelles sont tes passions, tes hobbies, que les gens sachent ? Lire aussi, j'aime beaucoup. Et puis, faire à manger chez moi, ça, c'est ma passion. D'accord, faire à manger chez toi. Ouais. Et tu m'as jamais invité à manger ? Non. Trop sympa, en fait. Elle est trop, trop sympa. Parce que si on traîne cela... 15 euros la soirée, ça va ? Ça va, ça va. C'est à peu près comme au resto, donc ça va. Avec petit cocktail maison, bien sûr. Ah, en sachant que je ne bois pas d'alcool, c'est nickel. Regardez l'autre fou, là. L'autre mocheté. Oh, mais dites-y, parlez pas comme ça de Flora Chap, voyons. Ah, oh, arrêtez. Allez, on va se faire les news de la semaine maintenant en direct. Mais d'abord, voici la cassette d'aujourd'hui avec le son que je vous laisse deviner ce soir. C'est parti. Non, mais tout à l'heure, on a mis la cassette du jour au moment où il fallait passer celle de la semaine passée. Et maintenant qu'il faut passer celle d'aujourd'hui, je mets celle de la semaine passée. Je sais pas qui a inversé mes boutons là sur l'écran, mais c'est pas trop sympa. C'est la bonne! Alors, est-ce que vous l'avez ou vous l'avez pas ? Je pense que Flora a une petite idée. Une très bonne grosse idée, surtout. Ah, les initiales, peut-être, du chanteur, de la personne qui a fait la musique. Ah, la personne, je sais pas, mais je sais qu'elle passait dans une émission. Ah bon ? Ah, je savais même pas. Bah, dis-moi ! Star Academy, non ? Star Academy. Oh oui ! Oh, j'ai oublié ! J'ai complètement zappé ! Oh là là, Star Academy. Oh là là, c'est loin ! Avec Nikos, les loups. Non, ça remonte. As-tu regardé ça, toi ? Je connaissais juste le générique. Non, j'ai regardé une fois, mais ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Ah d'accord. C'est génial. Donc, voilà, moi je n'ai jamais regardé la Star Academy de ma vie, donc je peux, je pense, aller me cacher. Oh, t'as rien perdu, t'inquiète. J'ai rien perdu ? Ça va alors, tout va bien. Allez, une dernière fois la cassette, comme ça vous êtes sûr de la reconnaître pour toute la soirée. C'est parti ! C'est qui a arrêté la cassette ? Ah oui, je me le demande aussi. J'adore ce son. C'est qui a arrêté la cachette ? Ah, c'est génial. Elise Moon. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant aux news de la semaine, histoire qu'on décortique un petit peu tout ce qui s'est passé d'insolite dans les dernières 24 heures. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans les news de la semaine, on a fait un petit peu le tour pour savoir qu'est-ce qu'il se passe et tout ça. Et c'est quelque chose d'un petit peu grave. Toi qui es fort connecté sur les réseaux sociaux, Flora. Oui. On va peut-être bientôt plus pouvoir poster de gifs sur internet ou de même en toute liberté, car il va y avoir une toute nouvelle directive européenne sur le droit d'auteur qui fait craindre aux droits des défenseurs numériques la liberté d'expression sur internet, étant donné que généralement ces petits gifs qu'on prenait, ça provenait d'une série, d'un film, d'un truc. Et alors là, on va dire hop, bam, droit d'auteur, tu ne peux pas publier ça sur les réseaux sociaux, et du coup on va supprimer tous les gifs concernant des droits d'auteur sur internet. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon toi ? Ben moi je m'en fous un peu parce que je n'utilisais jamais ce genre de truc. Ah, t'aimes pas les gifs ? Non, c'est pas trop. Elle préfère les gifles. Oui, c'est très drôle. Elle me mouche à l'antenne gratuitement, trop sympa. Tu as 10 secondes pour t'excuser. Je ne m'excuserai pas, tu sais très bien que je ne fais jamais ça. D'accord, ok. 5 euros. Ouais, c'est ça, trois fois. Allez, non, et donc ? Donc, ben, oui, ça peut être une bonne idée, mais bientôt, on n'aura plus rien, quoi. Si on part comme ça. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avoue, j'en utilise pas beaucoup, si c'était que parfois sur certaines applications comme par exemple Twitter ou quoi. Je peux mettre des gifs à la limite, mais ça c'est rare, ou parfois dans une story ou dans un snap. Allez, à la limite, mais je suis pas très fan. Donc, à part ça, cette loi, quand même, si elle aurait existé il y a quelques années, eh ben, on n'aurait jamais vu exister Wikipédia, car si toutes ces règles avaient été mises en place en Europe quand Wikipédia est arrivé, tout simplement, cette encyclopédie en ligne n'existerait pas. Et toutefois, si toutes les connaissances d'Europe n'existaient pas sur Internet, ce serait très très compliqué de réunir tous les savoirs qu'il y a actuellement en ligne. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très controversé. Est-ce que pour toi, c'est normal que des sociétés réclament des droits sur des petits gifs qui traînent, ou au contraire, ça devrait plutôt leur faire de la pub et ils devraient être contents? Ah, plutôt leur faire de la pub, oui, ça peut être bien aussi. Effectivement. Parce que du coup, si on envoie ce gif-là et que... on est un peu curieux, on peut se dire, oh bah tiens, d'où vient cette image-là, et qu'on recherche, et voilà. Tout à fait, je suis d'accord, c'est pas bête ça. Oh, elle est intelligente. Hein. Oui, je sais. Oh. Nadine Mouche, Nadine Babek. Oh, mais n'insultez pas, c'est bon. Allez, en tout cas, voilà, si vous avez un avis à nous dire là-dessus, je vous en prie, allez-y, on est là pour écouter. Nouvelle émission qui va arriver à la télévision, et alors là, je mets un coup de pelle à la personne qui osera me couper durant ce magnéto. Dans ce sujet, je sais même pas ce que je dis, je vais la refaire. Et la personne qui osera me couper durant cette séquence, je la frappe avec un coup de pelle. Car une nouvelle émission va apparaître à partir du 20 juillet sur TF1 qui s'appelle Un village à la diète. Et en gros, un objectif de 700 kilos en moins sur tous les habitants du village qui devront se mettre à perdre du poids. Autant vous dire que s'ils vont dans le village de Flora, ce sera 400 tonnes à perdre. Hey je rigole. Et donc, voilà, c'est quand même assez dingue de se dire que ça peut exister. Donc ça va se faire dans un petit village qui s'appelle Var en Charente. Et ils ont accepté de relever cette expérience inédite, perdre du poids ensemble afin d'atteindre les 700 kilos. Et donc, ce sera un entraîneur sportif qui va faire ça avec une journaliste sportive, Laurie Tillman, ancienne Miss France, afin de pouvoir animer cette émission-là sur TF1. Alors, est-ce que tu le sens ou tu le sens pas, ce truc-là ? Je le sens pas. On le sent pas. Alerte, on le sent pas, ça va être un gros naufrage. TF1, arrêtez ce programme, ça va pas marcher. Voilà, je sais pas s'ils auront entendu ou écouté ce que je leur ai dit, mais bon, je les ai prévenus, hein. Au moins comme ça c'est fait. Et je serai le premier à dire à la rentrée, bravo, ça a marché, si jamais on se trompait. Et donc voilà, les caméras de TF1 vont suivre ça. Et donc c'est une expérience assez folle qu'ils ont quand même voulu relever. Et je trouve ça pas mal de leur part. En tout cas, il faut oser quand même de faire un truc comme ça. Mais ça se fait déjà en Amérique, hein, des espèces de reportages sur MTV là, où il y a des gens Oui, c'est vrai. Et bah, déjà là, j'aime pas. Alors donc, c'est déjà mal barré. Ok, donc voilà, ça c'est fait. Un coup de pelle de la part de Flora, comme ça, on en aura mis deux. Ok, ma pelle, elle est pas venue. Voilà. Allez, on vous tiendra au courant de ça de toute façon dans cette émission ou ailleurs, étant donné qu'on ne sait pas si l'émission revient à la rentrée. Je dis ça, je dis rien. Et comme je sais que l'autre radio qui nous rediffuse ne nous écoute pas, il n'est pas encore au courant que je ne sais pas si je reprends la saison prochaine. Donc voilà, l'info est passée. Et si ça arrive dans tes oreilles, bah voilà, tu le sais. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment à 20h17. On appellera toutes les personnes qui ont leur fête aujourd'hui. D'ailleurs, je sais même pas quelle fête c'est, j'ai même pas lu mes fiches. Je vais préparer ça. Ça va aller. Thomas, merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, on va vous tenir au courant de tout ça dans quelques instants. Mais en tout cas, moi, je vous remercie d'être là avec nous en direct pour cette émission. On va encore vous surprendre. On a des séquences qui vont être folles. On va avoir le jeu des 5 mots. On va appeler des gens par téléphone. Bref, de quoi s'amuser ce soir. Flora Chappé, t'es toujours en forme ? Oui ! Voilà ! Est-ce que tu vas prendre tes médicaments ? Non ! Ah, ben il serait peut-être temps, c'est peut-être une bonne idée. Peanut Butter Jelly, c'est la chanson que j'écoute maintenant. J'ai pris 1 minute 30 à lire ce titre, donc respect s'il vous plaît. Vous êtes dans Jadoul ! Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Et sur le temps que Flora est en train de regarder les photos de son ex de l'an passé, C'est gratuit. Voilà, je balance les deux à l'antenne. Ouais, mais sauf que l'année dernière, j'en ai eu deux, trois. Alors, non, celui avec qui t'étais... Non, blablabla. Bla, bla, bla, en début d'année 2017. Bla. Voilà. Alors, du coup, je disais... voilà, comme ça, c'est fait, mais je sais qu'il pendant ce temps-là, j'en avais deux. Ah, merde. Ah d'accord. Du coup là t'es mal à l'aise quand même parce que je suis mal à l'aise parce que tu dis à l'antenne que t'as trompé le mec avec qui t'étais durant un an. Ouais. Il est vrai ce mensonge? Oui. Que lui te trompe, ok. Mais ça on en a l'habitude. Voilà. Merci. Allez, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on fasse une news, mais complètement insolite. Ça parle des Bretons. Est-ce que t'aimes les Bretons, Flora? Ouais. J'adore, c'est vraiment le... Ouais, allez, s'il faut les supporter, bon... Bah ils sont sympas, quoi. Ils sont sympas. C'est super sympa comme compliment. Tu vas chez des gens, oh vous êtes sympas. Mais t'as déjà vu que je faisais beaucoup de compliments? Ça, c'est vrai que c'est plutôt rare. Ben voilà, j'aime pas faire ça. Faut savoir que... Je vais vous parler de Flora en voiture. Flora a eu son permis dans un paquet de bonbons récemment. Et figurez-vous que quand vous prenez la voiture avec, déjà, il faut avoir une bonne assurance vie. Mais c'est surtout que... Si jamais vous avez le malheur de lui dire « Il va pas un peu lentement celui de devant », elle va prendre sa voiture pour une fusée. En sachant qu'elle roule avec une Smart... Ta gueule, j'ai une Mini, ouais. Ah pardon, une Mini. C'est vrai que c'est différent. Alors, elle trace sur l'autoroute. Bon, ça peut arriver de caler sur l'autoroute. Mais ça, c'est que sur les bretelles pour rentrer sur l'autoroute. 180 sur l'autoroute. Voilà, bien. Donc elle vient de dire qu'elle a fait une infraction en direct à l'antenne. Si vous êtes policier, allez-y, taxez-la. Là, elle vient de réfléchir, elle se dit « Ah, c'est peut-être con de dire ça à l'antenne !» Non, je m'en fous. Ok, très bien. Plus rien à foutre. Mais j'adore. Et là, les policiers de leur côté, ils se disent « Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau hein !» Mais ça va aller. Et donc, dans sa folie au volant, elle arrive quand même à faire des accélérations complètement dingues et en même temps dépasser. Donc, c'est-à-dire qu'on est comme dans une attraction... On a la tête qui cogne contre la fenêtre tellement elle tourne de manière sèche. C'est-à-dire que sur une autoroute, généralement pour dépasser quelqu'un, on fait un tournant et on le prend bien large, histoire de ne pas être secoué. Elle, elle fait des tournants à 90 degrés, à 90 degrés sur l'autoroute. On se tape le pare-soleil, on se tape la fenêtre, on se tape tout. Ah, tu te tapes tout. C'était le moment de fraîcheur de Flora. Flora, c'est la seule qui peut te téléphoner et te dire ah mince, il y a le truc qui est pas parti. Et salut à tous, donc là on se retrouve en direct dans ma salle de bain. T'es malade ou quoi? Il est génial ce son. C'est non. Pas moi. Ouais, c'est que par Snap. Bon, allez. T'es fou ou quoi? Donc, j'en étais où? Oui, les Bretons. Les Bretons, vous êtes là? Oui, je pense qu'ils sont là. Alors... Ouais, on est là. T'es bretonne toi maintenant? Ben, je suis un peu française, mais je sais pas d'où. Comment ça? Attends, je pense qu'on a... Attendez, chers auditeurs, je pense qu'on a découvert quelque chose en direct. Flora Chappe. Sur la vie d'un chat errant, peux-tu me dire si tu as des origines françaises ou non? Oui, j'en ai un petit peu. Et t'en as un petit peu, mais de où? Mais du côté de mon papa. Merci beaucoup. Et ton père, donc, il est français? Ouais, et belge. Et ma maman, elle est belge, luxembourgeoise et italienne. D'accord. Et ça, c'est toute la famille qui parle comme ça? Non, c'est tellement moi, parce qu'avec tous les mélanges, ça disjoncte. La fille ne m'inquiète pas du tout. Je suis juste en train de me poser les pires questions au monde. Le soir, quand elle rentre chez elle après la radio... Très bien. Elle peut parler que comme ça. C'est-à-dire que ça se passe pas bien du tout. Non, mais ça va, les auditeurs sont très contents. En direct, voici une réaction d'auditeur qui est très content de t'entendre à l'antenne. Mais je vais pleurer. Mais je rigole. Bon, allez, on va se faire une petite news. Où j'en étais? Ah oui. Les Bretons lancent une pétition complètement dingue. Ils veulent avoir... Ben tiens, je vais te le faire deviner. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? T'as 30 secondes. Que veulent les Bretons? Ils lancent une énorme pétition. Avoir un nom à eux. Parce que je pense qu'ils ont pas, genre nous, les Arlonnais, c'est les... Arlon, c'est les Arlonnais et eux, ils ont pas de nom à eux, c'est non, ça? Non, c'est quelque chose qu'ils veulent proposer à Apple, à Google et à tous les grands de l'Internet. Je sais pas. Un truc que t'as sur ton iPhone? App Store. Non, ils veulent un truc dans le téléphone qui soit accessible mondialement et qui les représente. Je sais pas! Un emoji à leur... à leur drapeau, ils veulent leur drapeau en emoji dans l'Unicode et là actuellement ils ont déjà 1200 signatures, donc ils veulent d'après l'association BZH leur emoji pour pouvoir se vanter de leur drapeau sur les réseaux sociaux. Attends. Oui. Ils ont un drapeau breton alors que c'est la France. Ah bah oui, les Bretons, tu connais pas le drapeau? Non. Deuxième moment de solitude dans cette émission. Là, tout de suite. Attention, Flora Schapp va ouvrir Google et se renseigner sur le drapeau breton. Mais au moins... Oui. Je vais avoir un peu plus de culture. Ah, si, je connais. Je sais plus quoi faire d'elle. Je suis juste au bout du rouleau. Mais Mais c'est pas contre toi, mais il faut avouer que tu fais parfois peur par moment. Elle est là, je connais pas. Ah si, je connais. Voilà, je pense que les auditeurs qui ne te connaissent pas du tout ont une très belle vision de toi. Ah, maintenant vous savez qui est Flora Schapp. Allez, donc je parlais des Bretons et ils ont une candidature. En tout cas, voilà, ils ont tenté leur chance et ce n'est pas seulement un emoji, c'est également pour eux le moyen de communiquer sur les réseaux sociaux. Par exemple, les entreprises de la région pourraient mettre à côté du nom de l'entreprise leur petit emoji breton pour bien revendiquer les couleurs de leur pays. Bref, ils ont pas fini de parler d'eux. T'es d'accord avec ce concept ou pas? Parce qu'à ce moment-là, toutes les régions peuvent s'y mettre. Hein. Ouais, c'est ça quoi. Genre Arlon, Messancy, tout, bah ils peuvent s'y mettre. Ouais, et ce serait bien la galère, parce que là, on n'arrêterait pas de scroller dans les drapeaux. On serait là, allez, c'est parti, on y va. Je dois mettre quel drapeau? Le drapeau de la Belgique? Ah bah attends, il faut 2 jours et demi, parce que c'est dans les baies. Allez, vas-y, attends. Ah ouais, ils devraient faire ça classé par le nom du pays. Déjà, on retrouverait déjà un peu mieux dans le drapeau. Ouais, mais c'est peut-être déjà le cas. Non, ça n'y est pas. Non? Non, je crois pas. J'adore, elle est là en mode exaspéré. Non, ça n'y est pas, je commence à m'énerver. J'adore. Donc, voilà. Et ce qui est cool maintenant avec les iPhones, par contre, c'est que quand tu tapes un mot, par exemple, tu tapes... un autre mot. Tu tapes cookie. Bol. Tu tapes cookie, et ben voilà, tu as le petit emoji. Non, moi ça m'énerve parce que des fois ça me change tout seul alors que je veux pas. Ah oui. Donc par exemple, si tu marques tu as des belles fesses, ça marque tu as de belles et l'emoji pêche. On ne comprend pas pourquoi. Mais maintenant, je comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne chez Flora. On va faire un gros dose dans quelques instants, complètement dingue. Moi franchement, je suis fasciné par l'actu que je vais vous présenter. C'est juste dingue. Encore sur moi? Non, c'est dans le paranormal. Ah. On va parler un peu de paranormal. Et dans quelques instants, on va parler des écrans et les Français. Quelle est leur addiction par rapport à ça? On va faire un petit dos là-dessus, voir si vous pouvez vous passer des écrans. Par exemple, Flora, là, si je te retire ton téléphone durant 2 heures, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es fou. Je me tire une balle. J'avoue que hier, j'étais au match de foot et à partir de je ne sais quelle heure, j'avais plus de batterie. Alors du coup, me suis senti nu. J'ai été près de la Croix-Rouge et j'ai dit voilà, écoutez, je me sens pas bien. Ils m'ont donné une bouteille d'eau, c'est tout ce qu'ils ont pu faire. Ah, bonjour Corentin. Voilà, bonjour Corentin, qui est avec nous d'ailleurs demain dans la radio en direct. Tu seras avec nous demain là? Si ah non, t'es jeudi ou non, je sais pas. Si ma maman elle est d'accord, je serai là. Je me rappelle qu'elle a 18 ans. Hein. Ma maman elle est d'accord parce que j'ai pas voulu faire des gaufres. Donc du coup, elle m'a donné mon cadeau. Tout va bien. Mais ça va, je vous rassure, on est là, on est en très grande forme, on va vous faire gagner des choses dans quelques instants, on va appeler les gens qui ont leur fête aujourd'hui pour leur souhaiter, et croyez-moi, ça va être assez marrant. Les amis, c'est moi. Je suis dans le regret de vous rappeler que nous sommes dans la dernière semaine d'émission. Dans 3 émissions, c'est rideau, c'est fini. Serez-vous là pour la fin? Rendez-vous samedi en direct. Ça, c'est un beau teaser, tu vois. J'ai teasé le fait que samedi, c'est fini. C'est cool, non? Non. Non, ok, très bien, je te remercie. Prends-toi ça dans les gueules, Thomas. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Je te remercie. Merci. Et de rien. Voilà. C'est très très gentil. Ah, je n'en peux plus d'elle. N'en peux plus. T'es pas en Provence, toi? Mais qu'est-ce que tu dis? Eh oui, en Provence, les végétaux n'ont pas la vie facile. Moi non plus. Putain. Voilà. Ok, très bien. Vous pouvez découper ça et se foutre de sa gueule, bien sûr, évidemment. Mais à chaque fois qu'elle parle et qu'elle a des crises, je t'en prie, secoue la cloche. Vas-y, essaye un coup. Voilà, donc tu feras ça à chaque fois que t'as envie de dire une connerie, d'accord? Ok, ça marche. Merci, tu me feras signe. Allez. Ça va aller. Là, voilà, il est 32, elle commence à se baigner dans l'émission. Oh oh. Et elle commence à... Ouais, elle fait tomber sa bouteille et elle le dit à l'antenne, quoi, au lieu de faire semblant de rien. Ça va être très très long comme soirée. Mais voilà, au moins, je me suis dit, autant tenter le coup, voir ce que ça donne à la radio. Mais il faut savoir qu'elle est très visuelle, donc elle me regarde avec des yeux, genre, je vais découper toute ta famille avec un couteau de boucher. Non, un couteau de cuistot. Ouais, parce qu'on rappelle, elle est dans l'hôtellerie et voilà, donc... Je n'en peux plus. Et c'est des grands couteaux chez moi, faut faire attention. Bah alors, t'as des grands couteaux chez toi et moi j'ai des grandes idées et je t'en fais pas part. Hein. Je ne veux pas savoir tes idées, merci. Oh non, pourquoi ça directement? T'es toujours en train de penser au plus salace que je puisse avoir dans et ma tête. Et t'as vu ta tête ou quoi? Ça, c'est trop sympa. Bon, Flora va faire l'émission en direct de dehors d'ici quelques minutes. Non, c'est pas grave. Au moins, je te supporte, c'est l'essentiel. On a plus qu'une heure quart à tirer. Ça va aller. Tu seras supporté? Ouais. Je pense que le public aussi. Je pense que là, ils viennent de crier de joie. Allez, à tout de suite, vous êtes dans Jadoul. Voici Peace tout de suite en direct. Un titre que j'adore en ce moment, je n'écoute que ça. Je suis complètement fan, c'est pour vous en exclusivité. Vous êtes dans Jadoul, on ne vous lâche pas. I wanna be happy. Bon, écoutez, il fait une chaleur de malade dans ce studio. Peux-tu témoigner de la chaleur, Flora? Je ne sais même plus porter le... Comment ça s'appelle? Le casque. J'allais dire le beignet. Le beignet. L'autre, j'adore. Je sais même plus porter mon beignet sur la tête. Non, bon, écoutez, il fait tellement chaud, il y a deux solutions. Soit on se met tous complètement nus, soit on lance le jingle. On va rester habillé, s'il vous plaît, merci. Bon, bah j'ai compris, c'est le jingle, alors. Du lundi au jeudi, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Ah, bien dit ça, monsieur. Allez, nous sommes en direct ici, j'espère que ça se passe bien. Et... Ça va, Flora? Ça va. Elle est en train de s'enjailler sur le bed. Elle est là, à fond. Ouais! C'est génial! Si tu veux, je te l'envoie par airdrop, tout ce que tu veux. Comme ça, t'as le bed de la radio. Et... Ouais, tranquille. Sauf que t'as jingle au début, je suis désolé. Ouais, bon, ça, c'est nul, alors. Le beau jingle de la radio, comment tu peux dire mais ça? Mais non, comme ça, je vais le mettre sur mon haut-parleur et puis je me baladerai dans la rue et ça fera de la pub. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc quand je parlais de Flora dans sa voiture. Faut savoir que Flora, elle a de quoi écouter de la radio dans sa voiture, écouter de la musique grâce à son autoradio qui est intégrée dans sa Mini. Bah j'espère que j'ai une radio dans ma Mini. Sauf que ça lui suffit pas. Oh oui, oh non. Elle prend... En plus, elle branche un haut-parleur en Bluetooth à son téléphone et elle fait péter la musique à fond et elle met le haut-parleur. Elle est magique, c'est la seule qui peut faire ça. Alors quand elle est à 90 degrés sur l'autoroute, là, du coup, le haut-parleur il se casse la gueule, il roule par terre dans la voiture et tout. C'est juste génial. En tout cas, bravo Flora. Et sache qu'on t'aime comme ça. Oui. Ou pas. Depuis, je ne prends plus la voiture avec. C'est pas vrai. Tu l'as pris encore quand? Je sais même plus. Ah, on a vraiment Alzheimer tous les deux, en fait. Mais si, quand on a été chercher le bulletin à l'école. Quand on a été chercher ton bulletin, c'est bien vrai. Allez, en tout cas, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous parler des écrans, car les deux tiers des Français se disent complètement dépendants des écrans. Et c'est quand même inquiétant. Parce que... Ça va, Flora? Ça va? Ça va. C'est la chaleur? Oui, je crois. Parce qu'elle me dit, ah, oh, j'ai chaud, je sais même plus porter le casque. Et si je bois encore, je vomis. Alors, je sais pas ce qui va encore nous tomber au coin de la gueule durant la suite de cette émission, mais en tout cas, je suis très inquiet. Ça va aller? Ça va aller. Oula. Elle sort son casse-croûte à l'antenne. Alors attention, c'est parti, on sort le pinard, on sort à manger. Je pense que ma pire idée de la saison, c'est pas d'avoir créé certaines séquences qui étaient un peu douteuses, c'est d'avoir pris Flora Schaap. Je vais avoir des messages sur Facebook, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as vrillé? Ta mère va venir te chercher. J'ai écouté la radio. Je me suis dit que tu allais pas prendre la voiture pour rentrer. Tu laisses la voiture sur le parking d'Hilar FM. Écoute, on rentre comme ça. Donc vas-y, maintenant que t'as éclaté ton pitch à l'antenne, bah, tu peux le manger, tiens, ta brioche. Non, je goûte, vu qu'apparemment t'aurais jamais goûté un pitch. Ah oui, alors j'ai jamais goûté de pitch à la pomme. Donc voilà. Tiens, ça, bon appétit. Voilà, j'ai un petit bout ici. Tiens, est-ce qu'on a un jingle genre astuce culinaire, un truc comme ça, qui doit traîner d'il y a très longtemps, à mon avis? Attends, je pense qu'on a quelque chose comme ça dans ce goût-là. Voilà, c'est parti, c'est la recette du jour. Le bon plan culinaire, c'est la recette du jour. Voilà, alors je goûte. En tout cas, c'est très fort comme odeur. Hein. Ça... Ouais, mais c'est bon. T'es sûr? C'est bien gras et tout, bien calorique. C'est bien gras et tout. J'adore. L'autre, t'as vu comme j'ai maigri? Et là, elle me dit, c'est bien gras et tout, vas-y, mange ça, c'est bien. Non, je mange ça depuis je sais pas combien de jours, j'ai grossi. Oh punaise. Ça a le goût de. De pomme. Ça a le goût du petit truc qu'on met dans la voiture sur la clim. Oh. Tu vois le sapin là que tu mets à ton rétroviseur? C'est dégueulasse. Même goût. Enfin, je dis pas que j'ai goûté déjà un sapin, mais je. Si, apparemment. Mais je veux dire, c'est... niveau odeur et tout, c'est pareil. Et donc, il y a une espèce de petit jus sur la brioche là, c'est. C'est un beignet, pas une brioche. Et désolé, on n'a pas tous été en hôtellerie. Hein. Oui, bah quand même, hein. Ben, elle m'a dit je te passerai un petit bout, putain j'ai l'impression d'en manger un entier. Non ça va, c'est bon. Heureusement qu'il y a un petit goût chimique, ça sauve le goût de la pomme. Bon ben puisque c'est ça, je te passerai plus jamais ce que j'achète. Avec mes sous. Comment elle se la pète? Déjà, je t'ai payé un verre aussi, tu dois me le rembourser. Ah oui, il faut savoir que c'est la plus grosse radine au monde. Car... il suffit que nous, on est au resto, elle commande un plat 20 fois plus cher que le nôtre, on divise l'addition en 3 parce qu'on est 3, et chacun paye sa part, et on ne dit rien parce qu'elle coûte plus cher que tout le monde, mais c'est pas grave. Et là, parce qu'elle me paye un verre genre 2€, elle est là, ouais, mais je te signale qu'il y a 6 mois, 47 heures et 20 jours, je t'ai acheté un verre, d'accord? Elle rigole, mais elle sait très bien que c'est vrai. Alors c'est quoi ce petit côté radin? Tu veux nous en parler peut-être? C'est à cause de mon papa. Oh, pourquoi? Mais il est comme ça, alors je pense que j'ai hérité. D'accord, faut juste que je bois un coup à l'antenne parce que j'ai le goût de la pomme qui reste. D'accord, voilà, c'est passé, c'est bon. Mais c'est bien de goûter des choses dans la vie, ça permet de s'apercevoir que il faut parfois pas tout goûter. Dis pas que c'était pas bon, hein. Non, je le dis pas, d'accord. Ça va, c'est mangeable quand t'as faim. Oui, c'est mangeable quand t'as faim. Ça c'est bien dit. Bravo, Flora. Merci. Présidente de la République. Flora, présidente. Oh, vous allez souffrir, hein, si je suis présidente. Imagine. Tu te vois présidente. Tu te vois présidente? Non, plutôt avocate. Avocate? Ah ouais, c'est ce que je voulais faire de base. Toi aussi? Bah oui, pourquoi? Bah pas moi, mais j'ai un ami qui aurait aimé être également avocat. Ah oui. Celui que tu matais il y a 20 minutes sur ses vieilles photos Snap. Bon, alors... je t'embrasse si tu nous écoutes. Donc avocate, honnêtement tu te serais vue avocate? Ouais. Toi qui es radine, tu sais pas défendre les gens et tu es là pour les enfoncer. Je sais pas défendre les gens, mais tu rigoles ou quoi? Mais j'en rigole pas, pourquoi tu dis ça? Non vas-y, dis-moi, exemple. Mais genre, enfin je sais pas, mais j'aime bien, hein. J'aime bien parce qu'il faut trouver des arguments et tout, puis il y a des histoires trop croustillantes. Alors voilà. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Voilà, si vous puis voyez... Puis aussi punir les gens. Dès qu'elle a l'occasion de foutre des patates, elle le fait. Hein. Alors, vous avez commis un crime? Vous êtes coupable? Eh ben... Ça vous a pas suffi de tuer cette pauvre fille? Vous voulez en plus faire de la prison? Mais on a plus de place! Je suis sûr que ça va être comme ça. Crève! Elle va pas s'arrêter. Oh là là. Et je lui en foutrai encore une quand il serait mort pour être sûr qu'il soit bien mort. T'as raison. Voilà. Ça, c'était dans la gueule à Ronaldo. Bon, allez. Oh non, le pauvre. Ah, tu l'aimes bien? Oui. Parce que elle, c'est la seule à regarder le match de foot en disant « Oh non, le faites pas sortir, s'il vous plaît, le faites pas sortir. Il est trop beau. » c'est la seule qui regarde un match de foot pour savoir si les beaux mecs ils sortent ou pas. Mais Hazard, il a un bon cul, c'est pas de ma faute. Hein. D'accord, voilà, ça, c'est fait. Ceci entraîne cela. Je suis juste fan. Bah bravo, en tout cas... Ah, je suis très très fan de toute la personne qui est en face de moi. Allez, on peut peut-être enchaîner enfin à ce que je veux faire depuis 20 minutes. On va vous parler des écrans. Alors, est-ce que vous êtes addict ou pas? On dirait bien que détacher les Français des écrans est bien compliqué, étant donné que la question, c'est celle qu'on vous pose ce soir, c'est est-ce que vous vous dites accro ou pas? Est-ce que vous êtes dépendant aux écrans? Car au final... Parmi toutes les personnes sondées par un sondage, au final, 29% sont totalement dépendants et 38% sont un peu dépendants, sur un total de 67% qui se disent consommateurs réguliers de téléphone et d'écran, peu importe que ce soit la télévision, la tablette, l'ordinateur. Ça reste des écrans. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des dégâts qui peuvent apparaître sur la personne en elle-même qui est légèrement addict aux écrans? Légèrement, je dis bien légèrement. Ça demande trop de réflexion. Fait trop chaud pour réfléchir. Mais j'avais déjà entendu que ça pouvait causer pas mal de trucs sur le cerveau, je crois. Sur le cerveau? Oui. Faudrait que je refasse ma petite recherche, mais... Ce soir, Florent en direct de Google. Alors non, donc il y a un impact en fait sur l'activité physique, le sommeil et la vision, car un médecin généraliste, membre du conseil d'administration de la Fondation Pierre Wolf, a estimé que ces résultats a une tendance d'hyperconnexion numérique chez les Français et il en dénonce les dangers pour la santé tels que le sommeil, l'alimentation qui serait perturbée et une activité physique insuffisante. La majorité des sondés estime en effet que leur exposition a un impact négatif sur leur activité physique et 57% d'entre eux le disent clairement et 56% d'entre eux disent qu'ils ont un problème de sommeil à cause des écrans. Et là, c'est un chiffre complètement incroyable, et je dis bien incroyable. Il y a 67% des personnes qui sont quand même perturbées dans leur sommeil à cause des écrans. Ah bah, je dois être dedans, parce que bah, déjà en ce moment j'arrête pas de me réveiller à cause de la chaleur. Mais ça, c'est habituel, c'est pendant tout l'été. Non, non, toi c'est différent. C'est juste que comme il fait chaud, en pleine chaleur, t'es là. Il n'arrive pas à dormir, il est trop chaud. Il doit envoyer des snaps aux coquins, tous mes amoureux. Il pense que j'en ai 33, mais il faudrait que je le compte. Il y en a tellement. Mais bon, je vais leur envoyer une photo de moi et j'aurai moins chaud, étant donné que je suis en chaleur. Mais ça va aller de dire des trucs comme ça? Bah oui, je peux leur envoyer une photo de moi, mais habillé? T'as pas précisé. Bah, habillé, ça m'étonnerait de toi. Si. Ça arrive. Tout le temps. Tout le temps. Bah alors pourquoi tu m'envoies pas des snaps habillés? Non, je rigole. Alors toi, déjà, je t'envoie pas de snap pour commencer. Et ça se dit, ami. Bon... Trop sympa. Donc voilà. Tu cherches la merde, tu vas la trouver. Et oh, je suis trop sympa, moi. Toi, gentil. Ben bien sûr, moi je suis le mec le plus gentil de ce studio. Ouais, c'est ça. Mais y'a que moi en même temps, donc. Et moi? Mais t'es pas un mec. Ouais, je suis une meuf, c'est pareil. D'accord, d'accord, d'accord. Ben voilà, vous avez découvert Jadoul. Et toute son équipe. Et ça se passe très très bien. Arrête de bouffer à l'antenne. C'est dingue, ça! Oh! C'est pour pousser la gueulante. On n'est pas contente. Bah, je comprends bien. Attends, elle, l'hôtel mange à l'antenne, ça va? C'est bon. Fais-moi une phrase entière avec tout ce que t'as en bouche. Tout ce que j'ai en bouche, j'ai presque rien. Moi, j'ai presque rien. Mais... Enfin, cela dit, ça change pas de quand elle parle d'habitude. Étant donné que quand elle parle sans rien en bouche, ça fait « Bonjour, tu feras un tap !» Et quand elle parle à bouche pleine, ça fait juste « Bonjour, tu feras un tap !» Ça change pas. Merci d'être là. Cette émission va être très très longue. Mais nom de Dieu. Allez, on enchaîne. Donc voilà. Est-ce que toi, t'as déjà remarqué que t'étais perturbé dans ton sommeil à cause d'un écran? Est-ce que t'as une télévision dans ta chambre, par exemple? Non. Ça, c'est bien, ça. Parce que bah, déjà, ma maman veut pas. Mais c'est bien, elle a raison de veiller sur toi comme ça. Et puis, bah, je regarde presque jamais la télé, donc... Ah, d'accord. Ok. Ouais, non, c'est pas un truc qui m'attire, c'est plus mon GSM, genre des vidéos. Mon GSM. T'as regardé les tuches récemment? Ah, donc appelez-nous sur notre GSM si vous voulez, vous nous envoyez un petit message. Voici le numéro de téléphone de la radio. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Voilà, vous êtes en direct avec nous directement dès que vous composez ce numéro-là, donc n'hésitez pas, on vous prend directement. Faites un petit bonjour à Flora, s'il vous plaît. Voilà, envoyez un petit message à Flora, ça lui fera pas de mal d'avoir un peu de contact humain. Oh, ça va aller. Je ris, oh, tu sors bien plus que moi. Ouais, bah tous les jours en ce moment, du coup. C'est la galère. Un peu, c'est peut-être pour ça que je suis fatiguée aussi. Heureusement que tu travailles pas en parallèle. Mais si, je travaille en même temps. Bah, elle est folle, elle est folle. Elle est juste dingue. Bon... Voilà. En plus, j'ai déjà annulé une soirée hier à cause de ce foutu match des Belges. Et vendredi, je dois prendre congé à cause de ce foutu match des Belges. Ce foutu match des Belges. Alors, elle va, donc il faut savoir qu'elle se casse les fesses à s'organiser juste pour aller mater sur grand écran le cul des joueurs. Et maintenant, elle se plaint carrément. Non mais, je veux dire, on atteint enfin, je sais pas, on en est où là? Ben, très très loin. D'accord, il me semblait bien. Bon, on a tout dit sur les écrans et les Français? Ouais. Ok, j'ai compris que ça intéressait du monde. Je vais archiver précieusement la feuille. Voilà, ça c'est fait. Bon, ben, t'allais pas la garder, de toute façon on les jette. Donc, il faut savoir qu'on imprime sur du papier recyclé comme ça. Bah, pas... c'est vrai. J'avais un chat dans la gorge. C'est ça, et pas qu'un chat. Bon, allez. Espèce de connard. Je suis célibataire. Hein, serait-ce un gros mot que j'ai entendu? Oui. Tu connais la tradition, 5€ dans la boîte à Jadoul. Non. Qu'on l'on fait gagner aux auditeurs. Allez alors, ouais. Ça va alors. D'ailleurs, on vous rappelle, hein, dans quelques jours, dans quelques émissions, ce samedi, c'est la fin de la saison. Donc si vous voulez gagner la cagnotte avec tous les gros mots qu'on a dit durant cette année dans l'émission, allez-y, envoyez un petit message, plus 32 49 9 15 75 pour participer. Mais c'est mon numéro. Ah non, on est au sel presque même. Je n'en peux plus. Ça fait 20 fois que j'ai le numéro à l'antenne et c'est seulement maintenant. Tiens, c'est pas mon numéro là qu'on entend. Quel serait l'intérêt de dire ton numéro à l'antenne? Bah si. Ça pourrait être pire. Pour qui, je sais pas, mais oui, ça pourrait être marrant, oui. Effectivement. Oh là là, ne change pas. Ne change pas. Comme ça, on va te virer dans 2 jours. Non, je rigole. Les gens seraient trop tristes sur moi. Même ma mère m'a dit, punaise, qu'est-ce qu'on ferait si tu serais pas là? On devrait t'inventer. Je pense que toutes les mères disent ça à leurs enfants. Non. Non, il n'y a que la mienne. D'accord. Elle va me buter. Tu vois cette bouteille-là? Tu peux la ramasser? Non, elle est pleine, prends l'autre. Ben justement, je vais te la verser dessus. Comme hier, j'ai versé des bières sur la tête des gens. Oh, moi, je vous raconte, c'était complètement dingue. C'était hier au match de foot. Faut que je vous raconte. Car il faut savoir. Donc je disais, faut que je vous raconte parce que c'est complètement dingue. Dans les matchs de foot, en tout cas en Belgique, hein, je sais pas comment ça se passe en France. Il faut savoir que déjà, l'homme mâle devient animal lors des matchs de foot. Et donc, ce qui est juste dingue, c'est que tout le monde, lors d'un match de foot, dès qu'il y a un goal, jette son verre en l'air, en mode « Ouais !» Mais alors du coup, quand les gens ils ont des cruches de bière, et qu'ils te la jettent en l'air, et qu'elle te retombe intégralement dessus, généralement ça te plaît pas. Alors du coup, sur l'instant, t'es énervé. Mais moi, au dernier goal qu'il y a eu, j'ai eu un bon réflexe. Le mec devant moi, hein, il était là, ouais, on a gagné. Il jette sa cruche en l'air, elle était pleine. Alors je me suis tout bouffé, la 3/4 de la cruche. Bon, la cruche est tombée. Bah, ouvre la bouche comme ça t'offre à boire gratuitement. C'est pas con ça. Et donc, moi, réflexe que j'ai eu, le mec il s'est retourné, il a fait ouais. Et moi j'ai jeté tout mon verre à la gueule du mec. Et le mec, ah d'accord, je vois qu'il y a de la joie ici. Il m'a dit, je pense que vous savez pas viser. J'ai dit non, c'était droit dans votre tête et je pense que j'ai atteint mon objectif. Ah d'accord, c'était voulu. Je fais, vous m'avez lancé la moitié de votre cruche à la figure, évidemment que c'était voulu. Je fais, oh mais soyez pas rancunier, c'est la fête, c'est le foot, hein. Ouais. Ouais, tu finis collant. Moi j'ai eu la mauvaise idée d'y aller la première fois avec des baskets blanches. Superbe idée étant donné qu'après t'as toute la place, oh, les gens qui collent à tes chaussures et t'as la bière qui se colle après et la poussière se colle après la bière qui a collé à tes chaussures. Bref, c'est dégueulasse. Bref, en tout cas, un petit conseil, allez-y avec des vêtements que vous n'aimez pas ou avec des gens que vous n'aimez pas pour vous protéger avec eux. Il faut savoir que Flora, dès qu'il y a des jets de bière en l'air, dès qu'il pleut de la bière, elle se met à quatre pattes au sol. Accroupie s'il te plaît, putain. Oui, accroupie, c'est pareil. Et donc voilà, du coup on est là. Ouais, Flora, on a gagné. Flora, t'es où? Flora? Bah, par terre. Ouais, c'est vraiment ça. Bref. Je ne supporte pas recevoir de la bière sur moi. Du coup, hier, je me suis vengée. J'ai été chercher des verres. Et juste au moment où il marque, j'avais mes verres pleins en main. J'ai tout jeté. Toujours, t'as acheté des verres rien que pour les jeter? Bah, non, parce que de base, je voulais les boire. Mais bon, vu qu'ils venaient de marquer, bah, voilà. Je comprends. De base, je voulais jeter que la moitié, mais bon. Voilà. En plus, le mec, il m'a vu le jeter, il s'est pris tout. Il m'a regardé en mode, je vais te tuer. Ah, c'est génial. Allez, des anecdotes comme ça, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit SMS. Vous êtes dans Jadoul, bonne soirée à vous. Synapson à l'instant avec Souba. Non, c'est... non, si c'est Souba, je me suis pas trompé. Merci Flora. Et tu peux parler, alors... C'est pas qu'elle est à 20 mètres du micro, mais c'est qu'elle est à 40 mètres. Sors par la fenêtre, limite. Ouais, ça va. Okay. Là, tu m'entends? Non, je pense que si tu mets le micro comme ça, c'est peut-être mieux, comme ça on t'entend bien. Non, je rigole, allez. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je m'appelle Jadoul, nous sommes en direct. Et on est parti pour les dernières émissions de la saison. C'est complètement dingue. Je suis comme un fou, je suis comme un enfant qui va déballer. Et moi, c'est Flora. Hein? Et moi, c'est Flora. Oui, c'est Flora. J'allais y venir dans quelques instants, mais voilà, maintenant que tu le dis, c'est Flora. Et je suis comme un fou, je suis comme un petit enfant qui va déballer ses cadeaux à Noël. Je suis impatient. C'est... En même temps, je suis triste que ce soit la fin de la saison, même si, voilà, on a fait un peu de ménage et je trouve que l'ambiance est meilleure maintenant. Je sais pas. Moi, je trouve que il y a une espèce toujours d'adrénaline quand on arrive en fin de saison. C'est pour ça que je voulais faire plus d'émissions. Et hop, la dernière ligne droite jusqu'à la fin. Et je pense que c'est la meilleure des choses qu'on vous a proposé, en tout cas dans l'histoire de cette émission qui est là quand même depuis septembre. Les amis, j'ai une triste nouvelle à vous dire. Samedi, ça va être la dernière de Jadoul. Je compte sur vous pour être là. On aura des invités exceptionnels, des séquences folles, des cadeaux à vous offrir et des meilleurs moments de l'émission qu'on va passer au crible. Je vous conseille d'être là. En tout cas, le rendez-vous est donné. On se retrouve samedi en direct 20h-22h sur Ular FM. Et en FM sur les antennes, en 6.9. Voilà. Sans Flora. Sans Flora. Ah oui, t'es pas là samedi. Oui, je suis en vacances. Voilà. Comme ça, on pourra dire que t'es pas venu pour la première, t'es pas venu pour la dernière, t'es venu pendant. T'as pris le train en marche. Voilà. Toujours, moi. Mais pas jusqu'au terminus, c'est ça la petite nuance. Allez. Désolé, hein. Mais c'est pas grave, au moins, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Tout à fait. Et je vais quand même lire tous les avis cette nuit qu'on a eu sur l'émission afin de savoir si t'as été apprécié chez les auditeurs. Ça va, bah, dors quand même un peu cette nuit. Ouais, ça arrive des fois que je dorme. Ouais, tu sais très bien que je suis pour ta santé. Wouah, effectivement, elle aurait pu faire avocate. Allez, vous êtes dans Jadoul, voici la cassette. La cassette à deviner. C'est parti. C'est qui a arrêté la cassette? Ouais, c'est vrai. Non, c'est qui? Allez, devinez-la, plus 32 49 95 75. On attend vos SMS et je dis bien 60 et 15 et non 75 pour les Belges qui nous écoutent. Toi, je dirais encore plus vite pour le numéro. Ah, tu veux que je le répète lentement? Ouais. Plus 32. Je sais même plus le numéro maintenant. plus 32 49 9 15 75. Si tu veux, j'ai même un jingle qui le dit, donc... Vas-y, balance. J'en peux plus. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Quel est le numéro, Flora, maintenant que tu l'as entendu 6 fois? Attends que je réfléchisse. Hein. Plus 32 499 15 75. Ouais. Bravo, félicitations. Je m'attendais pas à ce que tu tu saches le dire. Je suis choqué, je suis sur les genoux. J'ai dû me concentrer, t'imagines même pas. Toi, te concentrer? Bah, ça va aller. Je te jure, tu me verrais en classe, tu te dirais, c'est pas Flora, c'est pas possible. Ouais. En classe, Flora, ça donne ceci, on a un petit enregistrement. Jésus, Jésus, bien sûr. Merde. Voilà, ça c'est Flora, merci Janie. Elle est en train de boire, elle est en train de s'étouffer. Écoute, t'es là. Ça va? J'adore, elle est en train de s'étouffer. Voilà, ça va. Allez. Je lance un petit sondage. Est-ce qu'on a récupéré Flora? Oui. Merci. Fais pitié. Voilà, vous êtes dans Jadoul. Et toute son équipe. Et on ne vous lâche pas, on a beaucoup de choses à voir. Notamment maintenant, la question de la semaine, le 12 du jour. Je sais pas comment on va appeler ça. Le 12 du jour. Le 12 du jour. Ouais. Ok, c'est parti. On lance le jingle du 12 du jour. Si je l'ai encore quelque part sous la main. Oui, très certainement. C'est qu'une question de secondes. Et c'est parti, voici les news du jour, la question de la semaine. Voilà, j'ai pas d'autre jingle. La question de la semaine. Voilà, j'avais juste envie d'accompagner le jingle. Alors, on parle de moi, mais t'es pas mieux, hein. Excuse-moi, mais... Mais je pense que tu déteins sur moi. Non, non, c'est plutôt l'inverse. Essaye de se dédouaner de tous ces problèmes. Alors, je vais vous parler d'un truc un petit peu angoissant. Enfin, à premier abord, c'est pas angoissant, étant donné que c'est tout simplement un parc Disney abandonné il y a 15 ans en Floride. C'est l'ancien parc qui s'appelle River Country. Et... comme ça fait 15 ans qu'il a été abandonné, bah, la végétation a repris le dessus. Il y a des arbres qui ont poussé, la végétation sur les toboggans et tout ça. Et les grandes roues, la grande roue un peu abandonnée avec des trucs qui... C'est très glauque. Oui. Et figurez-vous qu'un Américain nommé Steph Lawless a été à Disney et ce photojournaliste a... était se balader dans tous les endroits de ce parc pour photographier ce parc abandonné. Et donc c'est complètement flippant. Je sais pas si tu vois sur la photo, elle est en noir et blanc, mais on voit quand même. Ah ouais, quand même un peu. C'est glauque. Ouais. C'est ultra glauque. Genre tu vas là pour Halloween quoi. C'est ça. Et alors du coup, le truc est tellement flippant qu'ils ont repris certaines images pour faire des campagnes de pub. Et donc du coup. Il l'a dit, il l'a annoncé. Je savais que photographier un parc Disney à l'abandon susciterait la controverse. Je savais que Disney s'en prendrait à moi, mais je devais le faire car ça m'a donné mal à l'estomac de découvrir ce que j'ai photographié. Nous avons apprécié de voir toute la nature reprendre ses droits sur ses toboggans et d'autres objets construits par l'homme, mais n'oublions pas que la nature ne saurait jamais... ne se devrait jamais devoir reprendre la nature comme ça, mais Mère Nature lutte pour reprendre ses droits quand elle n'a pas d'autre choix. La corporation Disney avait le choix, mais elle a choisi de ne pas prendre ses responsabilités par cupidité en méprisant la faune et la flore de cette zone. Donc en gros, traduction, au lieu de dire ok, on arrête le parc, on va tout raser et on va remettre des arbres, ils ont dit bon bah écoutez, on abandonne tout, hop c'est plié, on démonte même pas les attractions, tout reste comme ça. Du coup, bah tout a pourri comme ça, avec de la végétation qui a repoussé. Et c'est vachement flippant, je vous invite à aller voir ses photos. Je rappelle son nom, il s'appelle Steph Lawless, S-E-P-H, espace L-A-W-L-E-S-S. Et donc les photos sont complètement dingues, il a un compte Twitter, il est fort actif dessus. Et honnêtement, ça me fait flipper, voilà, je vous le dis. Bah en soi, c'est bien que la nature prime dessus parce que, bon, bah, sans oublier qu'on construit de plus en plus, donc bientôt on n'aura plus de végétation. C'est ça. Mais pour le respect de cette nature, ils auraient quand même pu raser, quoi. Oui. Parce que là, ça sert à rien, tout ce qu'il y a. Ou alors essayer de démonter et essayer de récupérer les manèges, voilà, pour mettre ailleurs. Ou alors, à mon avis, au moins je sais qu'une association en Amérique qui doit en exister parmi tant d'autres aurait pu dire écoutez les gars, nous on défend la nature, on va démonter le parc. Bah voilà, oui. Mais. À mon avis, et ça c'est juste le pif, Disney a dit mais écoutez, non, ça, on touche pas à ça. On touche pas, ça c'est propriété privée, vous connaissez pas ça. Hein. Donc du coup, à mon avis, ils ont pas pu avoir accès pour pouvoir nettoyer. Mais du coup, voilà, ça suscite quand même beaucoup de réactions et moi je suis le premier à dire que c'est complètement peu, dingue. Ouais, c'est un peu honteux. C'est honteux, mais après, moi je dois dire, je me suis fort intéressé aux images des endroits désaffectés. Par exemple, pas loin de Tchernobyl, là où la vie a cessé du jour au lendemain. Ouais. Eh bien, Tchernobyl, on rappelle l'incident nucléaire pour ceux qui ont un petit peu oublié. Toute la ville a été laissée à l'abandon. Mais c'est-à-dire que les supermarchés, les aéroports, tout est resté absolument comme c'était il y a exactement 25 ans, 30 ans. Et du coup, quand on explore ces lieux, c'est juste dingue. Il y a un arbre qui pousse au plein milieu du supermarché. Il y a en plein milieu d'un cinéma, la moitié du plafond effondré avec de la neige. Enfin, c'est juste dingue de voir des scènes comme ça. Si vous avez des passions un petit peu louches comme la mienne, vous pouvez nous le communiquer. Mais ça t'intéresse de voir des choses comme ça? Moi, j'aime pas. Je trouve pas ça super. Enfin, c'est pas beau, quoi. En plus, de base, il pourrait y avoir un beau paysage. Oui. Et puis, tout est raté parce que il rase pas. Tout à fait. Mais après, je sais même pas si on peut encore aller tout près, non. Non, en principe, on peut pas aller, ou alors avec des guides et tout. Et à la limite, on peut aller puisque le taux de radioactivité a baissé un peu, donc. Oui, mais bon, il est quand même là. Ouais, mais tu t'y exposes pas longtemps. Je veux dire, si tu y vis, là, ouais, tu peux peut-être vomir des arcs-en-ciel, mais. Je veux dire, si tu t'y exposes dans 5 minutes. Des papillons, ouais. Voilà, des caca papillons, effectivement. Bien, bravo. Elle a su rebondir. Comme toujours, d'ailleurs. Allez, il est 21h08, déjà ? Oh là là, c'est passé mais à une vitesse, on n'a même pas encore appelé ce qu'on fait d'habitude en début d'émission. Avec Florent, ça passe toujours vite. Avec Florian, c'est qui Florian? Avec Flora, j'ai dit. Elle est où celle-là? Je suis là, regarde, coucou, c'est moi. Ah pardon, d'accord, je pensais que c'était juste une folle qui était là. Mais non, c'est effectivement Flora. Je te remercie d'être là en tout cas. De rien, c'est avec tant d'amour. Elle allait dire c'est gratuit, mais non. Alors du coup, elle dit c'est avec beaucoup d'amour. C'est généralement ce qu'on dit quand on n'a pas envie de dire qu'on va payer, qu'on va faire défrayer. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute un peu de musique, ça te va ça? Ouais, tranquille. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment comme musique? Je sais pas comment ça s'appelle, faut que j'aille voir dans mon téléphone. En plus, mon anglais, on en parle. Tu nous fais un petit compte-rendu après la musique, ça te va? Non, ça. Ça? Voilà. C'est quoi ça? Riles. Riles? Et c'est quoi du Riles? Essaye, tu le mets. J'essaye. On va l'écouter juste après, d'accord? Ça roule. Ok, allez, super. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne vous lâche pas. On est là encore jusqu'à 22h, en très grande forme. Vous êtes peut-être déjà en vacances et on vous accompagne. Vous êtes peut-être sur la route des vacances et on est dans votre voiture. C'est quand même dingue, ça. Donc si c'est le cas, dites-nous où vous êtes. Et le plus important, mettez dans votre story que vous êtes en train d'écouter la radio. Comme ça, on voit un petit peu comment vous êtes et où vous êtes. Vous êtes dans la Doule. Bonne soirée à vous. Allez, on va s'écouter tout de suite la nouvelle de Kungs. Bravo, t'es une bonne bête, hein, t'as pris un sucre. Voilà, en fait, Flora vient de manger un sucre et du coup, ça m'a fait penser à ça. Alors, toi qui t'occupes un petit peu des réseaux sociaux également, tu peux me dire, aujourd'hui, quelle est la fête du jour? Haha, c'est la Saint-Thomas. Ouais. Et pour la Saint-Thomas, tu sais ce qu'on va faire? Non, mais je vais le savoir dans 2 secondes. On va appeler des Thomas en Belgique. On va appeler des Thomas en Belgique. Et si on a de la chance, on va tomber sur mon téléphone. Oh, j'ai un pote Thomas. C'est vrai? Ouais, moi, il va pas apprécier qu'on l'appelle. C'est vrai? Non. D'accord. Bon, on va peut-être éviter alors. Allez, on appelle tout de suite un Thomas du côté de Liège, je pense. En Belgique. Ça n'a pas l'air de décrocher sur les 3 numéros qu'on vient de lancer en même temps. On va voir dans quelques instants, on va réessayer. Mais en tout cas, on va appeler des Thomas, ça c'est sûr et certain. Il faut que l'on puisse avoir des Thomas en direct ici dans l'émission pour pouvoir leur souhaiter quand même une belle fête, non? Ouais, ça serait bien. Ce serait le minimum, bien sûr. De toute façon, on a les pages blanches, on a tout ce qu'il faut ici. Vous êtes dans Jadoul, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut. Le 20h, 22h, c'est un peu comme un repas en famille. Il y a de la musique et de la nourriture. Il y a un oncle un peu bourré. Et bonne année. Qu'on essaye d'éviter. Bonne Saint-Valentin. Et il y a un gars un peu lourd. Oui, enfin ça, c'est tellement grossier comme affirmation. Il y a une personne âgée jamais contente. Le nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Et il y a celui que tout le monde connaît, mais on ne sait pas pourquoi. C'est Jadoul, tous les samedis, de 20h à 22h, sur Rire FM. Et surtout, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes sur ILRFM, la radio qui est là pour vous, même l'été. Ben oui, parce que là c'est les vacances et j'ai retenu tout le monde. Personne ne peut y aller. Ils sont là dans le studio, ils sont enfermés. Tous les autres membres de l'équipe là, ils sont. Tu peux peut-être leur apporter à boire peut-être. Non. Non. Elle est encore plus sadique. En tout cas, j'adore. Voilà. Mais ça te fait plaisir d'être là même pendant les vacances. Oui. Ah, tu vois. Et ça te fait plaisir de faire les réponses les plus courtes au monde. Oui. Merci beaucoup. T'iras loin en radio, toi. Oui, ça c'est bien. Voilà, c'est ça. Allez, on va encore appeler des Thomas pour essayer de leur souhaiter une très bonne fête. En tout cas, j'espère, parce que ce serait dommage qu'on ait pas de Thomas ici à l'antenne. Hein. Il faut quand même qu'on en ait. Ouais, à part moi. Mais non, mais même, je pourrais en avoir un, mais j'ai trop peur qu'il me fasse la gueule. Qu'il te fasse la gueule parce qu'on l'appelle à la radio. Ouais. En plus, il est énervé en ce moment. Alors, il est énervé. Allô? Oui. Oui, je suis bien chez Thomas? Oui. Ah, ben bonjour, madame. Bonjour, madame. Non, moi, c'est monsieur. Comment? Moi, c'est monsieur. Non, c'est madame. Si. Non, mais vous, c'est madame, mais moi, c'est monsieur. Ah. Voilà, nous sommes en direct à la radio. Et est-ce que vous savez que c'est la Saint-Thomas aujourd'hui? Ah, c'est la Saint-Thomas. Oui. Et alors, est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que je vous appelle pour vous souhaiter une bonne fête. Ah, ben c'est bien. C'est et gentil. Et monsieur non? Thomas ne vit plus. Ah, je m'excuse alors. Je m'excuse. Mais voilà, paix à son âme. Et voilà. Mais je m'appelais Thomas, donc du coup, je me suis dit, je vais appeler tous les Thomas de Belgique pour leur souhaiter une bonne fête. Donc voilà, faudrait peut-être penser à changer le nom alors dans l'annuaire pour pas qu'on se fasse savoir. Ouais, oui. Je vous souhaite un bon courage, madame. Et vous habitez où? Oh, du côté de la province de Luxembourg, et vous? Moi aussi. Ah, vous êtes pas loin alors? Vous êtes loin d'Arlon? Oh. 55 km. Ça va, c'est du côté de Libramont, ça, je pense. Non, de Virton. De Virton, ah bah oui, bah j'ai des amis là-bas. Allez, je vous souhaite une très belle soirée, madame. Merci, madame. Bah de rien. Je pense que j'ai un problème de sexualité. Elle était quand même gentille, la petite mais madame. Trop gentille. Bon, malheureusement, le Thomas en question est décédé. Mais c'est trop triste, ça. C'est trop triste, mais c'est trop drôle. Non, c'est pas marrant. C'est bah attends, je l'appelle, elle m'appelle madame. Attends. Oh là là. Bon, on peut s'en refaire un petit peu, si tu veux. On va s'appeler un JP. Mais pas le JP que tu connais. Oh, moi je voulais. Ah non, non, il est en vacances en plus, ça va nous coûter la blinde si on l'appelle. Bah non, c'est lui qui va payer. Ah non, non, non, c'est nous qui payons. Hein. C'est le standard qui paye ici. Donc c'est pas grave. On en appelle un dernier pour savoir si on aura peut-être plus de chance ou on va encore se faire emballer. Allez, on l'appelle, c'est parti. Je vous rappelle qu'on souhaite une bonne fête à tous les Thomas. On n'a même pas dit à la dame qu'on était à la radio. C'est un petit peu dommage. Si. Non, on lui a pas dit. Si, tu l'as dit. Sûr ? Oui. Je réécouterai. Allez. Nous sommes en direct de la radio. Ah, j'ai dit ça? Ah ben. J'ai des réflexes que je ne contrôle même plus. Mémoire d'éléphant. Mémoire d'éléphant. Et il n'y a pas d'ailleurs, que ça qui est d'éléphant. D'ailleurs, le verre que tu devrais payer. On rappelle qu'elle est radine et elle a de la mémoire. Donc je vous le dis, c'est pas un très très bon mélange. Allez, on en compose d'autres là maintenant en direct. Je vous le dis, on n'a plus rien à perdre là. On est lancé. Vas-y, j'ai quand même envie d'essayer. Quoi, le fameux Thomas? Bah au pire tu perds rien, je dis, il sait que tu fais la radio ou pas? Bah oui, parce que merde. Je lui ai envoyé une photo. Oui mais pourquoi tu lui as dit? C'est pas malin ça. Allez, on en appelle un autre. Oh, il est dans la même ville que nous. C'est... Je sais pas du tout, je connais pas. Allez, je vous rappelle que c'est la Saint-Thomas. Et même si l'émission s'appelle Jadoul, c'est quand même ma fête. Tous les Thomas dorment en fait quand c'est leur fête, c'est ça l'idée? Ouais, je crois. Bah sauf le mien en fait, il est actif là. Ah. Mais lui demande pas si ça l'arrangerait de passer à la radio. Mais non. Parce que si tu grilles d'eau, ça servirait un peu à rien. On a quand même beaucoup d'Arlon, beaucoup de gens qui viennent d'Arlon, c'est marrant ça. Je lui ai quand même souhaité bonne fête par écrit. Ah, parce que sans moi, tu n'aurais pas su lui souhaiter bonne fête. Voilà. Donc, merci Jadoul pour une fois. Merci Thomas. Ça te fera pas de mal. Oui, on va dire Thomas aujourd'hui parce que c'est ma fête. Voilà, allez, on en appelle un dernier et après au pire on réessayera dans quelques instants. C'est parti, on compose le numéro au standard. Mais essaye de trouver sur l'annuaire. Mais c'est l'annuaire. Oui, mais son numéro ou bien. Ah non. Ah non, sinon c'est pas drôle. Allez. En même temps, il y en a beaucoup qui ne décrochent pas quand ils connaissent pas le numéro aussi. Hein. Oui. Bah, avec le standard, c'est un numéro privé. Ah, je le sens pas. Ah, comme c'est un fixe, je peux le laisser tourner pendant une heure et demie. Allô ? Allô ? Oui, allô, je vous dérange pas ? Non. Non, je suis bien chez Thomas ? Oui. Oh, je suis content de vous avoir au téléphone. C'est votre fête aujourd'hui, c'est la Saint-Thomas. C'est la part de qui ? De la part de la radio, madame, nous sommes en direct. De quoi ? Oui, moi aussi. Non, nous sommes en direct à la radio, madame. Oui. Et on voulait vous souhaiter une bonne fête, étant donné que c'est la fête des Thomas aujourd'hui. Attendez, parce que je n'entends pas, il y a beaucoup de bruit chez moi. Ah, pas mon problème. Avec le football. Ah, vous regardez le foot ? Oui. C'est bien. Bon, je vous écoute. Ben voilà, je voulais vous souhaiter une bonne fête, étant donné que nous sommes en direct à la radio, et on souhaite bonne fête à tous les Thomas. Ah bon ? C'est gentil. C'est très aimable, hein, n'est-ce pas ? Voilà. Et sachez que je m'appelle aussi Thomas. Ah oui, d'accord. Merci. Et vous, c'est Thomas du prénom, hein ? Ah oui, oui, oui. C'est le nom de famille. C'est le nom de famille, mais justement, c'est ça qui est marrant. Ah. Allez. C'est souvent, on peut avoir Thomas, hein ? Oui, c'est assez rare, à moins que les gens de... Oui, c'est assez rare. Si vous avez un fils, vous l'appellerez Thomas ? Ah ben j'ai un fils qui s'appelle David. Ah oui d'accord, oui, parce que si vous l'auriez appelé Thomas, je pense pas qu'il aurait aimé. Non. Allez, bah madame, je vous souhaite une belle soirée et bonne continuation devant le foot alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, elle est trop mignonne. Et elle t'a appelé monsieur. Mais, punaise, pour une fois. Pour une fois, il y a juste une dame qui m'a appelé madame. Je vais me faire passer pour un travelot maintenant, eh ben, c'est gentil. Ah oh là là, ah, c'est juste dingue. Eh oui, au fait, c'est la Saint-Anatole également aujourd'hui. Anatole, un pote à moi que j'embrasse, qui fait de la musique et qui est très très sympa. Donc voilà, je l'embrasse. Bonne fête à toi, mon ami. Bon, on a fait le tour là. On en appellera peut-être du côté de Liège parce que j'ai envie de me marrer avec les accents. Pourquoi est-ce que vous m'appelez, monsieur ? C'est juste dingue. En tout cas, c'est la seule émission où ça peut arriver des trucs comme ça. Hein. Oui. C'était quoi ce oui ? Je sais pas. C'était le oui de la vieille barman qu'on a sur une bretelle d'autoroute. Oh, ça y est ! Ouais ! On a enfin le vrai rire de Flora Chap à l'antenne. Écoutez son rire. T'en retiens pas ? Elle sort, elle se bouche le nez pour plus rire. T'étouffe pas, ça va aller. Là, vous l'entendez, elle est en train de bouger les mains en mode... Okay, c'est-à-dire qu'elle a un rire de machine à écrire, c'est-à-dire que vous faites... Voilà, ça se passe comme ça avec elle. Donc voilà. J'espère que vous en savez plus maintenant sur Flora et que cette petite anecdote de vie vous a plu. Merci Flora d'être là, je te remercie infiniment. Coin coin. Voilà. Tu sais ce qui serait intéressant pour toi ? Non, mais je vais le savoir. Ah, j'ai cru que t'allais continuer la chanson. Je la connais pas. Je t'ai fait un grand signe. Ah non, je pensais qu'il y avait encore la musique, mais... Oh là là, Thomas. Je pense que c'est la chaleur qui est en train de me non, taper sur la tête. Non, comme ça, tout court, c'est tout. Cherche pas d'excuses. Moi, comme ça, naturellement. Oui, toi, comme ça, naturellement. Voilà. Et là, maintenant, elle se dit, oh tiens, je vais peut-être approcher le micro parce qu'il est peut-être un peu loin. Elle est juste dingue, elle est géniale. Allez, merci en tout cas d'être là, je te remercie. Elle nous a fait une espèce de cafouillage de mots. Vieux, j'y arrive pas. Bon, merde, voilà, juste alors. Non mais vas-y, y a pas de pression, je t'en prie. Il vaut mieux s'en rendre tard que jamais. Voilà. S'en rendre tard ? S'en rendre compte, hein. Ah, mais s'il manque des mots, écoute, c'est pas ma faute. Oh là là, j'en peux plus, haut les mains. Ah, Ah, je pensais que t'allais continuer, mais visiblement, elle connaît rien du tout. Non. Donc c'est pas compliqué, c'est « Oh les mains, oh les mains, oh les mains, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur ». C'est pas compliqué, je pense. Non. Et voici Flora en direct, dans cette émission, non, dans Jadoul, 20h, 22h. Je t'en prie, le micro est à toi. T'es encore un peu trop loin comme d'habitude. Ça va? Je pense que. Je pense qu'on a pris Flora, mais que pour une heure. Maintenant, elle est en roue libre parce que ça fait 25 minutes. Oh là là, j'adore le rire. Allez, s'il vous plaît. Oui, à l'aide, on n'est pas le seul à le dire. Oh là là, en ce moment, je vous le dis, elle n'a plus aucune notion de l'heure, il est 15h du matin pour elle. 15h du matin, rien ne m'atteint, c'est mon instant, suis mon instinct, rien n'est important. Ça faisait longtemps ça. 15h du matin, rien ne m'atteint, tout est léger, laisse-moi kiffer ici maintenant. 15h du matin. Voilà, je vous ai fait redécouvrir un des titres qui a été complètement oublié de la circulation. Allez, est-ce que tu vas l'appeler finalement ton pote ou pas? Bah, il me répond même pas. Il travaille encore sur moi. Il a entendu le rire, à mon avis. Mais il me connaît très bien. Donc, déjà, de 1, il sait très bien comment je rigole et il m'aime bien pour ça. D'accord. Ah, tiens, j'ai trouvé un titre qui te symbolise. Bah, dis-moi, c'est quoi? J'adore parce qu'elle est en train de prendre un snap. Alors, du coup, on entend qu'elle tire la langue, ça fait. Elle prend son snap, et une fois qu'elle a fini de prendre son snap, oui, dis-moi, elle fait perdre du temps, mais à l'antenne, mais la fille, elle en a rien à faire. Lâche ton téléphone. C'est moi qui dirige tout ici. Ah bon? Qu'est-ce qu'on va avoir dans la suite, là? Je sais pas. Il y a une chanson qui a été écrite rien que pour toi. Tu la connais? Bah, je vais peut-être la connaître. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi. Ça, c'est 100% toi. Mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie. Bref, j'adore, voilà, Thomas, non, Jacques Dutronc, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'on va aller tous se chercher un café, on va se calmer et on va revenir en... Mais non, justement, le café, ça va encore plus nous exciter. C'est vrai, on va prendre... Un chocolat chaud. On va se bourrer la gueule, écoute. Ouais, allez. Ça changera pas d'habitude. Voilà, c'est ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... Ah oui, on va écouter ton titre dans quelques instants parce que j'ai complètement zappé, excuse-moi. Moi pas. Ouais. Mais t'inquiète pas, on va l'écouter avant de se quitter, c'est promis. J'espère. Parce que on va écouter le titre avant de se dire adieu, comme elle disait Jeanne Masson là. Puisqu'on n'a plus de titan. Elle est en fou rire, mais maintenant elle n'ose plus rigoler avec du son. Voilà, vous entendez actuellement sa bouche en train de se fermer violemment pour ne pas rire. Ça va? Oui. Elle se contrôle. J'adore. Ça va aller, Flora. L'émission, elle s'achève dans 30 minutes. C'est tranquille. Ne t'inquiète pas. Mais... Oh la vache. Ah ouais, quand même. Ah non, c'est une chèvre. Non mais... On touche quand même le fond, là. Tu veux que je te fasse la vache? Juste après peut-être la musique, on va se quitter bientôt, donc fais-la après ou maintenant, comme ça c'est fait. Mmh. Merci beaucoup Flora, nous sommes en direct. En direct dans votre émission qui est là du lundi au jeudi plus le samedi, on ne va pas vous lâcher, c'est bien la promesse que je vous fais ici en direct. Est-ce que notre huissier de justice, maître Enfaros, peut nous l'attester? Quoi? En gros, là maintenant, tu dis oui. Oui. Voilà, je te remercie. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Et j'ai une bonne nouvelle. Maintenant, est en train de bailler, on va appeler encore 4 derniers Thomas en encore Belgique. Encore 4? Oui, encore 4. Bah, bien sûr, il faut leur souhaiter bonne fête. Si on appelle tous en Belgique. Allez, on en appelle un, c'est parti, on y va. Je sais même pas comment est-ce que je... Ah oui, je prends la ligne comme ça, d'accord. Voilà, on l'appelle, c'est parti. Est-ce qu'on peut composer le numéro au standard, s'il vous plaît? Oula, c'est à l'étranger, ça ou quoi? Ça sonne bizarre, en tout cas. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je ne vous dérange pas? Qui êtes-vous? Je suis en direct à la radio, madame. Pardon? Nous sommes en direct à la radio, madame, au moment où je vous parle. Oui. Et en fait, c'est la fête des Thomas et je pense que vous êtes un Thomas, non? Oui. Eh ben voilà, je vous souhaite bonne fête, tout simplement, madame. Merci. Ben voilà, comme ça on distribue un peu d'amour ce soir, nous sommes en direct. Et figurez-vous que je m'appelle aussi Thomas, comme ça c'est fait. Mm-hmm. Ben voilà, belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir et encore bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Merci. Au revoir. Oh, c'est la première qui souhaite oui. bonne fête. En plus, au début, j'ai cru qu'elle allait pas te le souhaiter. Elle a fait un. Oh là là. Allez, on en appelle encore un. C'est parti. On en est où? On en est là. Voilà, c'est parti. Ça se trouve, je rappelle le même qu'on appelait tout à l'heure. Oui, mais essaye d'appeler des mecs qui s'appellent vraiment Thomas. Mais... Allô? Allô? Oui. Je ne vous dérange pas? C'est qui? Nous sommes en direct à la radio, madame. C'est qui? Ben, c'est Jadoul en direct, du lundi au jeudi, plus le samedi. Voilà, en fait, c'est la fête des Thomas, je pense que vous êtes un Thomas, non? Oui. Oui, ben voilà, on vous souhaite bonne fête. Merci. Ben, de rien, voilà. Il venait de loin, ce merci, mais voilà, comme ça, c'est fait. Et sachez que je m'appelle aussi Thomas, comme ça, c'est fait. Je distribue un peu d'amour et en même temps, ma fête, comme ça, en direct. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, ce soir, de recevoir un bonne fête. Oui, oui, ça fait plaisir, merci. On vous l'a souhaité aujourd'hui, dans votre entourage? Ou personne n'y a pensé? Non, personne n'y a pensé. Ah ben voilà, on est les seuls à y avoir pensé. Vous vous rendez compte? C'est bien, non? Oui, oui. Heureusement qu'on est là pour penser à vous. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah là là, elle ne m'a pas souhaité bonne fête. Mais c'est pas grave. On en appelle l'avant-dernier. Ah là là, je suis fan. Et pourquoi c'est tout le temps des meufs qui décrochent? Je sais pas. En plus, on a pris des noms de mecs. Hein. Allez. On va pas faire ça toute la soirée non plus. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct. Allô? Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah! Nous sommes en direct à la radio, madame. À la radio? Oui, à la radio. Ben, j'écoute jamais la radio, moi. Ah ben, c'est dommage, parce que vous pourriez m'entendre. voilà, je pense que vous vous appelez Thomas, non? Oui, c'est ça. Eh ben, vous savez que c'est votre fête aujourd'hui. Ah, je sais pas. Ben voilà, c'est la Saint-Thomas aujourd'hui, donc je tenais à vous la souhaiter parce que c'est également ma fête. Alors du coup, je me suis dit, je vais appeler tous les Thomas en Belgique. Quelqu'un vous la souhaiter? Non, je pense pas. Hein. Mais c'est mon mari qui s'appelle Thomas. Ah ben voilà, ben, vous lui transmettrez alors bonne fête. Ça va, merci bien. Vous pouvez pas nous le passer? Ah, je veux bien, oui. Ah voilà, comme ça on aura enfin un homme à l'antenne. Enfin, hormis moi, évidemment. Allô? Allô, bonjour monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Voilà, nous sommes en direct à la radio et on souhaite une bonne fête à tous les Thomas en Belgique. C'est très bien. Donc voilà, on vous souhaite une bonne fête. Merci. Et une bonne soirée. Également, au revoir. Au revoir. Alors, il est méchant. Non, non, je rigole. Il est gentil, mais il a une voix qui impose, quoi. Bah, un vrai mec. Merci beaucoup, Flora. Je te remercie. Je te revaudrai ça. Promis. Allez, c'est parti, on appelle le dernier Thomas. Ah là là, je suis fan. Je suis fan de cette séquence. Je pourrais faire ça toute ma vie, moi. Je vois ça. C'est le dernier. J'espère qu'il sera plus aimable. J'aimerais bien quelqu'un qui me fasse « Bonne fête, Thomas, bonne fête. » Non, je pense pas. Je pense pas qu'on aura ça. Je pense pas. Je jure que si on me laisse... On va laisser un message, non? Mais on peut pas, c'est un fixe. Oh. Allez, il faut que ça décroche. On va pas me laisser sur ça, quand même. Y'a le foot, hein. Y'a le foot, y'a le foot. Et alors, y'a le foot, nous, on est là, quand même. Hein. C'est qui joue d'ailleurs ce soir? Ouh là là, compliqué là. Deux secondes. Ouh là là, bah dis-le nous là, t'as 40 secondes pour nous le dire. Bah si mon téléphone veut bien aller aussi vite que ça. Hein. Bah Google, il est assez bien informé là-dessus, tu sais. Non, moi je vais match en direct. Match en direct. Oh, il y a une application. Alors. Oh non, oh là là. Oui. Ah si, c'est la Colombie et l'Angleterre. En plus, l'Angleterre gagne. Ouais. L'Angleterre gagne, c'est génial. Enfin, je sais pas ce qui change, mais c'est génial. L'Angleterre gagne. Si vous êtes angleterien, si vous êtes anglais et que voilà, vous supportez votre région, bah j'espère que vous gagnez en tout cas. Allô. Allô. Bonjour madame. Oui. Nous sommes en direct à la radio. Voilà, vous vous appelez Thomas? Pardon? Vous vous appelez Thomas? Oui, pourquoi dites? Bah parce que c'est la fête des Thomas aujourd'hui. Ah bon? Ah bah oui. Quelqu'un vous l'a souhaité aujourd'hui? Pardon? Quelqu'un vous l'a souhaité aujourd'hui? Non. Bah voilà, on est les premiers. Nous sommes en direct à la radio pour faire ça. Ah bah c'est super gentil. Quelle radio? Quelle radio? Il a RFM en province de Luxembourg. D'accord, ben merci beaucoup. Vous êtes de quel côté, vous, en Belgique? Charleroi. Charleroi, ah bah oui, c'est vrai, on a pris des numéros de Charleroi, je suis un peu bête de poser la question. Mais c'est pas bien grave. Bah voilà, je vous souhaite une très belle soirée, madame. Merci. Merci, au revoir. Voilà, donc, on a eu que des femmes, en fait, je pense que... Non, sauf un, mais sauf... si... Oui, mais non, j'ai demandé qu'on me le passe. Hein. Ouais. Il a pas décroché. Donc ça veut dire que les dames, elles décrochent le téléphone et les mecs, ils regardent le foot. Oh là là. Oh, si vous voulez, pour jouer des 5 mots, on appelle un Thomas. On appelle un Thomas et on fait jouer au jeu des 5 mots, comme ça t'es pas obligé de jouer. Ça te va? Ou si t'avais envie de jouer, tu me le dis. Si c'est dur, j'ai pas envie. Si c'est simple, ça me dérange pas. Ou alors pas. C'est toi qui me fais le jeu des 5 mots. Ouais, on va voilà. Faire ça. T'écris 5 mots complètement aléatoires que je ne dois pas voir sur un papier là. Et comme ça, tu me les fais deviner. Ça te va? Oh là là, c'est trop dur pour moi. C'est toi qui vas me le faire. Non, non. Je vais faire très simple. Enfin, je sais pas comment on peut faire plus simple. Mais. Toi, devoir écrire. Oui, ça j'ai compris, mais... Okay. Cinq mots au hasard. Oui, ça va, j'ai compris, mais c'est les devinettes que je vais devoir dire pour que tu trouves l'objet. Que si j'écris bouteille, tu dis « Je contiens du liquide, je peux m'ouvrir avec un capuchon, je suis... » Une bouteille. Merci, voilà. Donc tu sauras nous préparer ça pour la suite? Allez, ouais. La joie. Oh là là. J'ai jamais entendu quelqu'un être aussi joyeux de faire une séquence. Dis-nous si on t'emmerde. Je suis fatiguée. T'es fatiguée, écoute. Il y en a qui bossent, ok. Oh là là, bon. L'essentiel, c'est que... Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé quelque chose. Ah, ça d'accord. Va être du lourd. Ah ben, je n'en doute pas. Mais l'important, c'est que vous soyez heureux dans la vie, comme Flora. Je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et ça, c'est bien vrai, notez-le chez vous. C'est vrai qu'on m'a dit que j'étais tout le temps heureuse. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. La semaine dernière. Parce que tu te gares n'importe où. Mais qu'est-ce que tu me dis? Mais c'était les paroles de la chanson. Hein? Elle a même pas écouté, elle écoute même pas l'émission. C'est-à-dire qu'elle est là. Je suis concentrée sur mon truc là. D'accord, ok. Laisse-moi pour une fois, je suis trop concentrée. C'est vrai, pour une fois, elle est concentrée, c'est dingue ça, bravo Flora. Je suis gentil. Oui. Allez, le jeu de ça. Mon bic, il écrit même pas. Mon bic, il écrit même pas. C'est le bic déjà de l'équipe, c'est pas le mien. Hein, oh. C'est les gens qui sont assis là, normalement, qui utilisent ce bic. Et puis si t'es pas contente, tu prends ton bic. Et c'est ce qu'elle a fait. En le claquant sur la table, histoire qu'on sache bien qu'elle a pris son bic. Je n'en peux plus. Tu m'aimes trop, tais-toi. Ouais. Surtout quand t'es... Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Je n'en peux plus. Oh non. On va pas s'en sortir. On va diffuser de la musique sur ce temps-là. Je lui fais sa piqûre et ses médicaments et ça va aller, ça va passer. Oui, ça va très bien là. Ça va très bien. Tu sais pas faire mon accent. Quand ton accent m'appelle Forest Up et je vais te péter la gueule. Mais non, pas celui-là, celui de d'habitude, enfin genre maintenant là. L'accent bourgeois. Bah si, je sais le faire, voyons. Parce que elle, c'est la seule qui peut dire, moi je vais pas dépasser le camion là devant. Parce qu'elle dit pas camion, elle dit C-H-A-H-H-A. Le camion là. Voilà, le camion. Comme je vais à la gare ou que je vais au casier. Voilà, et que tu vas te parer. Allez. Je vous souhaite une belle soirée. Vous êtes en direct dans Jadoul. C'est le 20h, 22h qui est là toute la semaine. Nous sommes en direct. Je prends un malin plaisir à être avec vous en direct. Bienvenue. Number one is a hard time in the making. Ah là là, quelle rigolade. Voici Jane, c'est Orillard FM, Makeba. Non, j'arrive pas à le faire, c'est une galère. J'arriverai jamais à le faire. Sur le temps que Flora termine sa séquence, tu peux le refaire ? Non. Merci. Flora ? Oui. Makeba ? Maké. Non, ok. Putain, merde. Ne dis pas ce nom à l'antenne. Je pense que ça va t'attirer des problèmes. Makeba, Makeba. Makeba, Makeba, Makeba. Elle maquette beaucoup. Bon. D'ailleurs, tu m'as pas donné mes... Non, elle se rend compte que le micro, elle a 20 mètres d'elle, et d'un coup... D'ailleurs, tu m'as pas... Il y a quand même une différence de son, non ? Oui, un peu. Ah, merci beaucoup. Heureusement qu'on a un traitement de son pour rattraper un petit peu... un petit peu les fréquences qui sont très très loin, mais... Allez, ça va aller. Loin dans le tunnel. Non, un tunnel, c'est comme ça. Ah, je suis là dans le tunnel. Ah, quelle horreur, mes oreilles. Et où je peux mettre de l'écho dans le tunnel, ça te va ça ? Vas-y. À poil ! À poil ! À poil ! À poil ! À poil ! À poil ! Voilà, c'est un petit écho. Tu sais dire que ça, hein ? Bah non, je sais dire aussi... Non, c'est vrai, je sais dire que ça. Oh là là, quel bonheur d'être là avec vous en tout cas en direct. On va faire le jeu des 5 mots d'ici quelques secondes. Même maintenant, il est l'occasion de vous rappeler quand même qu'il y a la cassette de Jadoul aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la cassette de Jadoul ? C'est la cassette que l'on met, qu'on déforme et qu'on vous tente de faire deviner avec cette séquence. C'est parti, jungle ! Allez-vous deviner le son de la semaine ? Bah oui, quelle question ! C'est la cassette de Jadoul. Et la cassette du jour, la voici. Flora, tu la mets dans le lecteur cassette, s'il te plaît ? Oui, ou con. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ce groom tellement, tellement marrant que je me suis dit, je vais pas lancer la cassette. Allez, c'est parti, je fais play. C'est bien vrai. Bon, on va essayer de trouver qui c'est qui l'a arrêté, mais en attendant, vous devez la deviner. Plus 32 49 9 15 75. Vous envoyez votre réponse par SMS et parmi toutes les bonnes réponses, on tirera au sort le gagnant. Et il y a des beaux cadeaux à gagner, notamment des albums, des autocollants de l'émission, comme toujours. Et automatiquement, dès que vous passez dans l'émission, on vous offre un autocollant. Vous, il suffit de le demander, on vous l'envoie par la poste. Comme ça, vous pouvez faire la promo de l'émission autour de vous en le collant sur votre voiture ou je sais pas, peu importe. T'as un autocollant Jadoul sur ta voiture, Flora ? Non, mais sur mon journal de classe, sur mon téléphone et sur ma farde. D'accord. Ok, je ne demanderai pas où en plus, mais... Nulle part. Ah, ça va alors. Allez, est-ce que t'es prêt pour le jeu des 5 mots ? Non, je n'ai que 4 mots. Il en manque qu'un ? Oui. Oh, il manque qu'un seul mot. On va peut-être avoir la fin de la séquence aujourd'hui. Ça, je ne sais pas. On va J'y voir. Arrive pas. T'arriveras pas ? Non. Mais si. Regarde, prends cette feuille-là et prends n'importe quel mot sur cette feuille. Ça te va ? Un mot que tu comprends, évidemment. Mais je t'emmerde. Ah ! Ah, elle a trouvé. Je sais pas si c'est bon signe, mais elle a trouvé, quoi. C'est déjà ça. Allez, oui. Tiens. C'est bon ? Attends, je dois mettre des indices maintenant. Ah, tu les inventes pas sur le... Non. Sur le c'est pour ça que je Ah, c'est pour ça que ça prenait tant de temps. D'accord. Moi, j'aime bien être préparée et organisée. C'est vrai. C'est vrai. J'allais dire non, mais... C'est vrai. Mais alors, au niveau des cheveux, ça se passe comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème contre mes cheveux ? Mais t'as dit organiser et préparer. Bon, écoute, ma belle crinière, on n'en parle pas. Oui, c'est vrai, on nettoie les vitres avec, on n'en parle pas. Il y a un problème ? Non, je rigole, j'adore. Contre les cheveux crôlés ? J'adore tes cheveux. D'ailleurs, on dit pas crôlés, on dit... Bouclés. Bouclés, ou je pense qu'on peut dire encore... comment, attends. Si, on peut dire crôlés, parce que bouclés, c'est quand c'est fort, et crôlés, c'est quand c'est un peu... Enfin, tu vois, comme moi. Parce que moi, c'est pas naturel déjà. Ah, c'est pas naturel ? T'as les cheveux lisses de base ? J'ai les cheveux mais raides comme des baguettes. Oh ! D'accord. Je viens de découvrir un truc qui vient de changer ma vie. D'accord. Okay. Tu le savais pas ? Bah non. Oh punaise. Attends. Bah, ça veut dire au moins que c'est bien fait. Ah oui, là c'est clair. Et voilà. Je t'ai sûrement. Enfin, je t'ai jamais vu sans cette coiffure. Bah, c'est très moche. Allez, Des crôlés, je suis désolé, ça me fait pas penser à des cheveux, moi. Tu sais à quoi ça me fait, à quoi ça me fait penser? Vas-y. T'es pas d'accord avec moi? C'est fini. Ça te fait pas penser à la compagnie créole? Oui. Merci. Y'a Flora qui va faire le jeu des cinq mots. Sans attendre, on va lancer le jingle. J'ai plus de rime en haut. C'est parti, on y va. Je suis au bout du rouleau. On y va. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des cinq mots. Est-ce que tu es prête à me les faire deviner? Oui. On part pour 30 secondes, top. Ok. On perd pas une seule seconde, donc lâche ton téléphone, alors, lâche Snap, lâche tout le bordel. Mais vas-y, mais tais-toi là, j'étais déjà en train de te dire un truc. Je suis prétentieuse. Flora. Oh merde. Je suis fait de murs. Je suis fait de murs, je suis prétentieuse. Ah mais non, je suis prétentieuse, t'as trouvé Flora, c'était là, voilà, c'est fini. C'était le bon? Ah oui. Ah pardon, ok, vas-y. Attends, on a perdu 30 secondes à comprendre les règles du jeu. Allez. Suivant. On y retourne. Je suis fait de murs. Une pièce. Non, il y a des ordinateurs dedans. Je suis fait de murs, il y a des ordinateurs dedans. Une salle d'informatique. Non. Je suis fait de murs, il y a une pièce dedans. Il y a des auditeurs dedans. Une radio. Pas tout à fait. Un studio. Oui. Ouais. Alors, après, je suis en métal. Un micro. Non. Des ciseaux, une pince. Non, j'ai deux roues. Une voiture. Non, une voiture a deux roues maintenant. C'est vrai, ça c'est con ça. un vélo. Non. Bon, on repart pour 30 secondes, de toute façon j'ai perdu. J'ai un volant. J'ai un volant. Un vélo. Mais pas tout à fait. Ah, un comment ça s'appelle? Allez, tous les enfants ont ça. Oui, une paire de claques. Non, Je suis en métal. Ouais. J'ai deux roues. J'ai un volant. Bon, si on trouve un déambulateur. Pas... Non, si on trouve pas, on va demander aux auditeurs, hein. Non, mais dis-moi, vas-y, c'est pas grave. Trottinette. Mais oui, que je suis con. Ouais, et donc un autre. Alors, j'apporte de la chaleur. Alors, je vous jure que si elle me dit radiateur, je la tue. Je la fais griller sur un barbecue. C'est un radiateur? C'est un radiateur, mais voilà. C'était le dernier? Non, il y en a encore un. Ah merde, je pensais que c'était le dernier. Je suis un pays. Je sais pas, la Belgique? Non. La France? Je suis en hexagone. J'ai dit la France? Oui, c'est ça. C'était le plus beau jeu des cinq mots que j'ai eu l'occasion de faire dans cette émission. Mais pour une première, je dois dire que ça va. Et je t'en félicite car parfois ça ne va pas du tout lors de la première. Donc ça va. T'as quand même. T'as sauvé le truc, on va dire. C'est le talent. Comment elle se la pète là? Allez, une chanson pour te féliciter. Merci. Je découperai cet extrait, je le garderai. Elle s'est fait avoir. Je le savais que t'allais le couper, mais j'ai joué le jeu. Le plus beau, c'est qu'on a la fenêtre ouverte et qu'elle est maison. Je suis libertine. Je suis une catin. Merci beaucoup. Putain, arrête de faire ça. J'ai l'impression d'avoir la voix de quelqu'un. De quoi? La voix de quoi? Je t'écoute. La voix de quoi? La voix d'une personne. La voix d'une personne. C'est qui cette personne? Je ne dirai pas. Ok, elle a complètement pété les plombs. Il est 56, on n'a pas fini l'émission et il faut encore que j'appelle des gens. Seigneur, on est à la bourre, c'est pas grave. On appelle les gens, c'est parti. Ah ouais, d'accord, on fait tout en direct là en mode gros stress. Bah tu vas appeler qui? Un mec pour jouer au jeu des 5 mots avec moi. Oh. Oui Thomas. Donne-moi ta feuille, je fais aussi des mots de ta feuille. Mais t'es nul. Non mais j'ai déjà 3 mots mais j'ai pas eu le temps de chercher plus en fait. Ne commente pas, merci. Allez, si ça répond pas d'ici une sonnerie, je raccroche, je passe au suivant numéro. Tant pis pour la personne. Ok, tant pis, c'est pas bien grave. C'était le suspense, ça, Flora ? Merci, voilà, c'était le très beau suspense de Flora Schapp. Allez, c'est parti, on appelle le dernier numéro de la soirée. Le 0, 7, 1, 3. Oui, bah t'es gentil, tu dis pas le numéro à l'antenne, s'il te plaît, t'es gentil. Bon, celui-là, ça va pas compter puisqu'il a pas répondu, donc c'est pas bien grave. On va prendre un tout dernier dans notre répertoire. C'est parti, je l'ai là, on le compose maintenant en direct. Oui, on fait tout ici en direct, c'est ça qui est marrant. Sinon, t'as passé une belle soirée jusqu'ici, Flora ? Oui, et toi ? Moi, ça a été, en ma compagnie. Oui, dans l'autre, elle se sent plus. Tu étais en ma compagnie, j'espère que ça s'est bien passé. Je suis Flora Schapp. Venez me parler sur Facebook. Non, non, ne le faites pas, sinon ça peut vous attirer des ennuis. Oh, connard, vas-y. Avec tous les mecs que t'as à tête rouge, je pense que celui qui veut te draguer, il est pas bonjour. Sorti. Bonjour. Vous êtes bien chez Eliane Thomas. Ah, oh là là. C'est dingue, ça. Oh, la prochaine fois, je dis que c'était la valise RTL. Je sais un répondeur comme ça. Allez, dernier numéro de la soirée. J'espère que ça va répondre. Sinon, on sera obligé de rendre l'antenne sans avoir joué au jeu des 5 mois avec un auditeur, ce qui serait bien triste. Enfin, un auditeur. La personne ne nous écoute pas vu qu'on la dérange dans le foot. D'ailleurs, c'est bientôt fini, le foot. Ouais. Bah oui, ça termine en même temps que l'émission pour vous dire que ça nous fait du mal à l'audience. Hein. Allez. C'est quoi de ça pour des gens qui savent pas répondre ? Il y a le foot, je te dis. Mais il y a le foot et alors ? Mais justement, c'est la fin, donc tout le monde, personne va décrocher. Bah c'est la fin, c'est pas parce que c'est la fin que... Écoute, même quand il y a du foot, moi je décroche, hein. Enfin, tu vas me dire, je regarde pas le foot, donc... Bah voilà, donc déjà de 1, tais-toi. Oh, comment tu me parles ? C'est qui te paye ici ? C'est pas moi, donc... Voilà. Allez, le dernier des derniers. Ça me fait mal au cœur quand même qu'on n'a pas un numéro comme ça instantanément, là, qui décroche. Bah tu veux que je t'en donne de moi ? Non, c'est pas grave. Mais si, ça sera marrant. Bah prépare-en un au pire. On va appeler... Je n'ai pas compris sur tes lèvres ce que tu viens de dire. Ouais, mais je coupe les micros, dis-le moi hors antenne. Ouais, non, on va pas l'appeler. Mauvaise idée. Oh merde, il est à l'étranger, lui. Bon, mais n'appelle pas tes potes. Appelle des gens à qui t'as plus parlé depuis 6 ans. Contact. C'est la galère quand même ce soir pour trouver quelqu'un. Autant on tombe soit que sur des filles. Mon patron. Il s'appelle Thomas ? Non. Ah mince, ça aurait été bien. Allez, c'est parti. J'en ai encore un. Du côté de Charleroi, ça répond pas fort, hein, j'ai l'impression. Je vois ça. Moi je cherche, hein. On peut appeler ton patron, mais ça t'a risqué et périls. Non, ça. Ah, on a du mal, hein, ce soir, hein. Jette-toi sur le téléphone. Allô ? Allô ? Oui ? Nous sommes en direct à la radio, monsieur. Yes ? Nous sommes en direct à la radio au moment où je vous parle. Oui. Voilà. Si vous le dites. Ben, je le dis. Et on a juste envie de savoir si, durant les 30 secondes qui suivent, vous avez envie de jouer au jeu des 5 mots. Je vous dis un indice et à vous de trouver le mot qui en découle. Ben, je vous remercie, monsieur. C'est gentil, mais je ne suis pas joueur. D'accord, je c'est pas bien grave. Bonne soirée. Mais c'est parce que vous vous appelez Thomas, alors du coup, on voulait vous souhaiter une bonne fête. Merci beaucoup. Ben voilà. Ben, au revoir. Très gentil. Très, très gentil. Tellement gentil qu'il n'a pas voulu jouer avec nous. C'est qui ? Non, on va pas appeler tes potes. Oh, mais c'est pas cool. C'est pas mon pote, hein. Ex-pote. Ex-pote très proche, si vous voyez ce que je veux dire. Mon ex, quoi ! Voilà ! Ça, c'est fait. Allez, dernier. Allez, hop, là, c'est parti. Je m'en fous, il est 22h01, on a plus de temps à perdre. C'est pas bien grave, on est en direct, on fait tout, je vous le dis. Mais ça dit, c'est la première fois qu'on avait quelqu'un avec une voix aussi bonne au téléphone. Ça serait marrant d'appeler ma mamie. Ah oui, ce serait mignon. On le fait. On le fait, mais tu le fais ou tu... Ah, c'est toi qui parles. Oh non, ma mamie, non. Ah, mais c'est un numéro français. Mais c'est pas grave. Ça change rien. Bah, ça va payer. Ça va payer, c'est pas nous qui payons. C'est pas nous qui payons, mais c'est pas nous qui payons, bien sûr. Je parle très bien français. Oh, oh. Non, pas lui. Parce qu'elle elle est en train de passer en revue tout son répertoire, mais tous des gens qu'il ne faut pas appeler. Mais elle, elle veut quand même les appeler. Mais il bosse de toute manière, donc il décrochera pas. Pas encore heureux ? Attends. Manquerait plus que... Enfin, ouais, bon, bref. Allez, on appelle du côté de Liège maintenant, puisqu'étant donné qu'à Charleroi, on dira que ça ne répond pas. Donc, c'est parti. Bon, bah, j'ai pas des très intéressants contacts, alors. Mais, bah, je suis sûr que t'as des contacts très intéressants, mais pour le coup, ça ne nous intéresse pas d'appeler tes ex, étant donné qu'on devrait consacrer une émission entière si on devrait appeler tous tes ex. Ça va, j'en ai que 5. Que 5. Tu comptes tous tes crushs et tous tes... Les 5 personnes que tu te dragues en même temps. Voilà, on est bien d'accord. Je te mets pas dans l'embarras. Hein. Je m'en bats les couilles. Ça, c'est fait. Politesse, bonjour. J'assume. T'assumes quoi ? Mes actes. T'as des actes, toi, maintenant ? Ouais. Des actes manqués, oui. Ah, des actes manqués. Pardon, excuse-moi. Il fallait que d'ici 22h, ça sorte. Voilà, c'est sorti, c'est dit. Je suis désolé, c'est tombé sur toi, mais c'était pas volontaire. Tu m'en veux pas ? Si. Ah, pardon, désolé, je m'excuse. Bisous, sur la fesse droite. Voilà. Alors, non, propriété privée, merci. Propriété privée, t'as rien de privé, toi ? Si. Ah bon ? Ouais. Comme ? Demande à mes ex, hein, j'aime pas qu'on me fait des câlins et tout ça. Je suis pas tactile. Hein. C'est vrai ? Ouais. Genre, ton copain vient près de toi. Bah si j'ai pas envie, ça dégage. Mais t'es cruel. Oh là là. Oh là là, t'es cruel. Il y a un mec qui a failli sortir... Enfin, j'ai failli sortir avec un mec ce week-end et qu'il arrêtait pas de me faire des câlins, je l'ai remballé. Commence par G ? Oui. Oh mais non, non, mais lui, faut pas le remballer, t'es folle, toi. Des mecs bien, t'en trouves pas tous les jours, toi. Ta gueule. Oh là là. Ouh là là, encore un peu. J'appelais quelqu'un que je connais malgré le répertoire téléphonique aléatoire. Ça aurait été très très très gênant. Allez, dernier numéro de la soirée, sinon j'abandonne, c'est pas bien grave. Voilà, 27. Mais tais-toi. Le mec qui balance le numéro à l'antenne, tu vois, il s'en fout. Allez, dernier. Tout repose là-dessus. Le foot devrait être fini. Allô ? Oh ! Oh la violence ! Oh la violence ! Je rappelle, rien à faire. Oh Gwyneth, tu veux te faire tuer, toi. Tu peux arrêter avec ton clavier ? Oui. Allô, bonsoir ! Oui. Nous sommes en direct à la radio, monsieur. Quoi ? Nous sommes en direct à la radio, monsieur. Attendez, je n'entends rien du tout. Ah, bah moi non plus. Nous sommes en direct à la radio, monsieur. Ah ? Voilà, on vous appelle pour savoir si vous avez 30 secondes à nous accorder. Bon, je sais pas. Bah, 30 secondes, c'est 3 fois rien. Non, peut-être, ouais, pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, on a le jeu des 5 mots, et en 30 secondes, on aimerait bien vous faire deviner 5 mots. Non, non, je ne m'occupe pas de ça. Mais... Oh, merci, madame, excusez-moi. Oui, ben voilà, on voulait aussi vous souhaiter une bonne fête parce que vous vous appelez Thomas. Merci, voilà. Je pense que la communication est de mise ici. Merci, monsieur, très gentil. Et puis moi, de l'autre côté, je me fais harceler ici. Ouais, mais lâche ton téléphone, on va rendre l'antenne. Ben oui, je sais bien. C'est ça. Allez, voilà, donc... On a su que du côté de Liège, les Thomas ne sont pas gentils, carrément méchants, jamais contents. Tu connais la chanson ? Non. Carrément si. Pour le nombre de fois que j'ai chanté. Quoi ? Mais c'est pas ça du tout. Là, mais je chante n'importe quoi là. Ah d'accord. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alain Souchon, mais si. Mais si, je la connais, je sais. Ah ben, bah tu vois, au lieu d'être ignorante. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Flora va démonter tout le studio. On n'aura plus à rien sur le dos. Elle est en train de tout démonter, on comprend rien à notre vie. Je dis stop, s'il vous plaît. À qui ? Je sais pas. C'est ça, ouais. Fous-lui un coup de pelle de ma part. Parce qu'en attendant, il te dérange à la radio. Donc, oui. C'est très bien ça. Voilà, voilà. Mais au pire, tu lui dis taisez-vous et c'est réglé, non ? Je lui ai déjà dit. Je lui dis, je ne suis pas accessible. Ce soir, il me fait, oh, pourquoi ? Accessible ? Accessible. Je crois qu'il a compris. il me dit oh pourquoi, je suis à la radio, fous-moi la paix. Ça a dû être ça. Et t'as dû lui dire entre quatre yeux, vous oubliez la vie autour de vous là, elle existe, elle fonctionne. Et j'ai un boulot. Et puis, il n'y a pas que moi pour parler. Allez, bon, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour de la question, on peut rendre l'antenne ? Oh, mais c'est trop tôt. Ah ben non, là, il est l'heure. Et attends, ça fait presque 10 minutes de retard, là. Mais, désolé si on est bien, là. Si on est trop talentueux, excusez-nous, c'est ça ? Voilà. C'est ça. Allez, le mot de la fin, s'il te plaît, Flora ? Il faut mettre ma musique. Ta musique, bah donne, allez, vas-y. Attends, celle-là, la deuxième. Mais appuie dessus, vas-y. Mets-la en route, parce qu'on n'a rien pour brancher ton téléphone, étant donné que c'est un iPhone avec même pas un jack dessus. Donc, et c'est quoi, en fait, genre, comme musique ? Et t'écoutes ça dans ta mini, la fenêtre ouverte ? Oui. Et puis t'as tout mon village qui se retourne en mode « C'est quoi la baraque qui arrive ?» La as-tu ? Ils doivent être super inquiets quand ils te voient y passer. Emmanuel Macron. Oh mon Dieu. Emmanuel Macron, vous en pensez quoi de la musique de Flora ? Et on me dit que c'est trop long. Je n'en doute pas. Allez, Flora ? C'est moi. Tu sais que tu me fais penser à une grand-mère ? Pourquoi ? Bah, tu aurais pas dit ça par hasard il y a un mois ? De toute façon, ils souffriront. Si jamais, j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais, c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas vous allez me boucher ça tout de suite. J'en suis sûr que c'est toi. C'est moi. On a la révélation dans cette émission, mais c'est génial. Oh là là, allez, vous étiez sur Hilar FM. Hilar, c'est bien le nom. Je confirme. Et Flora, le mot de la fin ? Ben, bonne soirée à vous tous, merci de nous avoir écoutés, et puis à demain, en forme. T'es pas là demain ? Mais demain, c'est mercredi, c'est vendredi, je suis pas là, je suis au match. Samedi, je suis pas là. Mais c'est bon, non, t'es là jeudi. Et demain aussi. Ah, t'es là demain aussi ? Mais je te l'ai déjà dit. Oh, champagne, génial ! Champagne, j'avais whisky oublié, on est au bout du rouleau, je vous le dis. T'avais pas dit que tu devais faire sonner une cloche avant de dire une connerie ? Ding, ding, ding, ding, ding. Une dernière fois, comme ça les auditeurs sont contents. Ding ding ding ding ding. Même la cloche s'est barrée, elle s'en fout, elle n'a plus rien à faire. Claire Chazal. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Et comme d'habitude, je vous rappelle que profitez de la vie, car... La vie est belle, aussi belle que toi. Je vous souhaite une belle soirée, merci de nous avoir écoutés. C'est un réel bonheur d'être là avec vous chaque soir jusqu'à jeudi plus samedi. J'espère qu'on vous a plu, on vous a diverti, et moi en tout cas je vous aime. Out.